Pour les 50 ans de l'entrée de l'inspecteur Belot dans la littérature policière, France Culture présente La double mort de Frédéric Belot. Version radiophonique en deux journées par Claude Aveline et Michel Manol. Illustration musicale Jean Vienner. Réalisation Georges Godbert. Aujourd'hui, première journée. Salut, grand melon. Ah, Denise, encore là? Salut, Rivière. Bonsoir, Simon. Et votre mari va vous croire perdu. Filez vite. Pensez-vous, il a l'habitude. Si on devait pointer en arrivant, on pourrait jamais pointer à la sortie. Mais si vous n'avez plus besoin de moi... Non, du tout. Le patron vient de téléphoner. Il veut absolument qu'on épluche à nouveau le fichier pour Merkovitch. J'y partais. Merkovitch? Je croyais qu'on avait arrêté toute la bande. Sauf lui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Denise. Tu veux un coup de main? Si tu as le temps, je mets un peu d'ordre et on y va. Le patron a encore reçu une de ses lettres. Il lui promet de nous faire la peau à la première occasion. Mais qui? Nous? Il ne cite personne, il ne doit pas avoir de préférence. Le truand qu'a eu mon père autrefois, le Merkovitch de l'époque, il était graphomane lui aussi. Mais il avait bien, lui, sa préférence. Le prochain coup, ce sera le tour de l'inspecteur Rivière. Il a tenu parole. Ça ne t'a pas empêché, toi? Au contraire. Oh, pas par vengeance. D'autant plus qu'il a été fait une minute après, que sa biographie s'en est trouvée très... Raccourci. Non, c'est parce que j'avais deux idoles quand j'étais petit. Lui... Et Frédéric Belot. Les deux frères, en quelque sorte. Les deux as. Mon parrain. Oh, ma mère a bien tout essayé pour me détourner du métier après la catastrophe. Et très honnêtement, je dois dire lui aussi. Mais je n'ai pas suivi ses conseils, j'ai préféré suivre son exemple. Il peut être content de toi. Bah, il me l'aura prouvé. En m'attelant au plus chicanier, au plus exaspérant de la brigade. Assez lâche pour supporter tes insultes. Allons-y. Gourmelon. Il est là. Le voilà, du patron. Eh oui? Monsieur le directeur vous demande tout de suite. D'accord. Bon, je te retrouve au fichier. Au fichier ou ici? Entrez. Ah, Simon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur. Assieds-toi. As-tu vu ton parrain ce soir? Ma foi, non. Ah, oh, c'est inconcevable. Il était fatigué ce matin et il avait décidé de rester chez lui l'après-midi. J'ai néanmoins téléphoné à 5 heures qu'il est à me rejoindre. Dès que possible, nous devions retravailler sur Merkovitch. Je peux te dire que son arrestation est imminente. Et je lui en ai fait part. Et il vous a répondu? Mais qu'il partait immédiatement, je l'attends toujours. Vous lui avez retéléphoné, j'imagine. Mais tu penses, oui. Et pas de réponse. C'est la première fois depuis 20 ans qu'il manque un rendez-vous sans m'avoir prévenu. Je suis inquiet, je ne te le cache pas. Je suis aussi son plus vieil ami, comme il est le mien. Et comme ton père l'était à nous deux. Vous voulez que j'aille rue de Crimée? Oui, oui, oui. Ça ne servira sans doute pas à grand-chose. Il a dû quitter son domicile et se trouve obligé de... Je me demande quoi? Vas-y quand même, Simon. Hein? Et arrange-toi pour me téléphoner au plus vite. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Picard. Je vous avais retiré chez vous. Non, non, je reste ici, moi. Allez, va. Ah, Simon. Je suis passé au fichier, on ne t'y a pas vu. À peine tu étais sorti, le patron m'a fait dire que c'était plus nécessaire. Ah oui, l'arrestation de Merkovitch est imminente. Il faut que j'aille rue de Crimée. Pourquoi? Ton parrain... Fatigué ce matin, le patron du téléphone à 5 heures. ...que depuis qu'il la dirige, mais... quand on se rappelle ce qu'il pouvait être en prise directe... Nos premières années, tu te souviens? Tu parlais d'exemple tout à l'heure. Bah, il nous aurait entraînés n'importe où. La confiance qu'il inspirait, de flair infaillible. Eh ben, ne t'avise pas d'employer ce mot devant lui. Tiens, demande à Martel. Le jour où il a cru lui être agréable en lui parlant de son flair illustre dans toute la maison. Et comment il s'est fait mettre à sa place. Est-ce que tu me prendrais pour un chien de chasse, par hasard? Tu en connais, des chiens de chasse qui passent leur nuit à chercher dans quelle direction ils ont une chance de trouver la bonne piste, la vraie, la seule, l'unique? Tiens, prends la première à gauche, on gagnera du temps. Bravo, filleul, tu connais les bonnes pistes du premier coup, toi. Et alors? Et alors, mademoiselle, on passe au vert? Ah, ce serait pourtant dommage d'abîmer une si jolie petite mignonne. À propos, elle est très bien. Très, très bien, la jeune dame qui est venue le voir un jour dans son nouveau bureau. Tu as même été convoqué à cette occasion. Elle téléphone quelquefois. Elle s'appelle Madame de Guise. On espionne. Hé ! Nous avons été tous les deux les meilleurs petits chiots du grand chien de chasse. Sérieusement, Simon, crois-tu que si Belot avait une liaison clandestine, comme il a dû en avoir des quantités, le pauvre, en acharné célibataire et en bel homme qu'il est toujours, hein ? Sûrement. Crois-tu qu'il choisirait notre maison de verre et de vertu ? Je te dirais même que je ne suis pas le seul à penser que cette belle personne pourrait bien devenir Madame Frédérique Belot. Sans avoir jamais reçu de confidence et en ne l'ayant vu qu'une fois, je le pense aussi. Tiens, voilà presque arrivé. Et il y a même de la place devant le 26, tu vois ? Tout va pour le mieux. Ah. Qu'est-ce que je fais ? Je t'attends ou je file ? 2 minutes pour interroger la concierge. Alors je ne bouge pas et tu viendras dîner chez les Gourmelons. Tu crois ? La famille sera enchantée, comme toujours. Bon, dans ce cas... Oh, c'est vous, Monsieur Simon ? Qu'est-ce qui vous amène ? Je veux seulement savoir si vous avez vu sortir Monsieur Belot, vers 5 heures. Ma foi, non. Vous en êtes sûre, Madame Morin ? Absolument. Ni plus tard ? Non. Vous avez l'air ennuyé. Y a-t-il quelque chose de grave ? Non, un peu inquiet seulement. Bon, je monte sonner à sa porte. Parrain ! Parrain ! C'est Simon ! Parrain ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, Monsieur Simon ? Personne ne répond. Une seconde, je reviens. Tu en fais une tête ! J'ai carillonné, frappé, rien. La concierge est sûre qu'il n'est pas sorti de la journée. Je suis affreusement inquiet. Bon, je retourne là-haut. Tu viens avec moi, Gourmelon ? Bien. Je crains que mon parrain n'ait eu un malaise, Madame Morin. Vous avez votre trousseau ? Bien sûr. Voilà. Voulez-vous que je vous accompagne ? Non, restez pour le moment. Allons-y, Gourmelon. Oui, pardon. Il n'a rien fermé. Où est le commutateur ? Près de l'entrée. Ah, ouais. Son chapeau et son manteau sont là, suspendus. Il n'est pas sorti. Parrain ? Où il s'est tiré une balle. Dans la tête. Regarde ce Growling. Parrain, c'est moi. C'est Simon. Oh, parle-moi, regarde-moi. Où est le téléphone? Je réclame l'urgence à la maison. Dans la chambre, là. Oui. Parrain. Le pouba. Oh, cette blessure. Parrain. Oh, quoi faire? Quoi faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Là. Ce qui dépasse sous la portière. Cette main immobile. Oh, nom de Dieu. Mais qui est-ce ? Aide-moi à le retourner, Simon. Hein ? Oh non, alors, je crois qu'on devient fou. Oh non, c'est pas possible. Halluciné. C'est aussi Frédérique Belot. Ouais. Et celui-là est mort réellement. Mais alors, ce n'est pas mon parrain? Ce n'est pas mon parrain? Ah, mon parrain est vivant! Il va vivre! C'est son assassin qui est mort! Calme-toi, il doit être là dans 5 minutes. Calme-toi. Mon parrain est vivant. Allons. Bonnardel est avec eux, le docteur Bonnet aussi. Allez, passez, les gars. Où est-il? Bonjour, docteur. Par ici. Notre Belot. Dans quel état? À Saint-Louis, tout de suite, mes enfants. Inutile que je l'examine. Il aura sûrement besoin d'une trépanation, s'il peut la supporter. Non, non, on vous aide. Il ne faut surtout pas qu'il change de position. Il y en a un autre, docteur. Un autre? Oui, pas. Blessé aussi, qui ça? L'assassin, sûrement. Mais lui, il est mort. Là, derrière nous? Mais là. Mais. Oh. Oh. Nom de Dieu, nom de Dieu. Un frère jumeau. Mais voyons, docteur. Frédéric Belot n'a jamais eu de frère. Ah, pas de doute, une balle en plein cœur. Je suppose qu'on réclame l'autopsie. Évidemment. Bon, moi, je file à Saint-Louis avec l'ambulance. Tu as l'air certain que celui-là n'est pas le vrai, Simon. Il a un Browning près de lui, c'est entendu, mais l'autre aussi, ils ont dû se canarder mutuellement. Alors? Je sais. Mais je ne veux pas que mon parrain soit le mort. Gourmelon, tu as prévenu le patron? Oui, pendant qu'on a enlevé le premier, il est parti aussitôt. Non, madame Morin. On vient de l'emmener. Ne restez pas là. Oui, j'ai vu. Retournez chez vous. Le voilà, le patron. Oh, monsieur Picard. Ah, viens que je t'embrasse, mon pauvre Simon. Gourmelon m'a tout dit, c'est incroyable. Le mort est encore ici? Oui, par ici. Mon vieux camarade. Vous le reconnaissez? Mais je ne sais pas. Tous les trois, écoutez-moi. J'ai déjà pris quelques dispositions, car l'affaire doit demeurer absolument secrète, tant que nous n'aurons pas découvert la vérité. Rien aux journaux, ça va de soi, hein. Inutile même de faire venir l'identité ici. Simon, tu iras à l'Institut médico-légal. Bien. Autopsie immédiate, n'est-ce pas? Mais avant tout, nous devons savoir s'il y a maquillage sur celui-ci ou sur l'autre. Tu diras au docteur Dampierre que je ne lui fais aucune réquisition, je n'ai pas le temps. J'assume toutes les responsabilités. Oui, monsieur, oui. Monsieur Picard est là. Allô? Ah oui, bonsoir, professeur, bonsoir. Deux balles. Oui, deux balles, dites-vous bien, oui. Oui, je vois, oui. Vous ne perdez aucun espoir, tant mieux, tant mieux. Nous comptons sur vous pour faire l'impossible. Entendu, oui. Je vous rejoins immédiatement à Saint-Louis. Non, c'était le professeur Frogier. Il était là. C'est lui qui va tenter d'extraire les balles. Une chance sur 1000 de le sauver. Et encore à cause de son étonnante robustesse. Ce qui m'incite à croire que c'est notre Frédéric Belot. J'espère tant, comme toi, Simon. Bonnardel! Oui, monsieur. Vous vous occupez des deux Browning. Vous êtes notre meilleur expert. Merci, monsieur le directeur. Quant à celui-ci, ses vêtements, leur contenu, la balle, tout. Cavalioli, naturellement. D'abord un des vieux amis de Belot, et puis dans sa spécialité, lui non plus, personne ne le surpasse. Non, c'est certain. Et vous me rejoignez à mon bureau, quand vous pourrez. Le patron est là. Il vient de rentrer, monsieur Rivière. Je dois vous introduire dès votre arrivée. Oui, entrez. Voilà, monsieur Rivière. Simon, assieds-toi. Alors. Oh, quel soulagement, monsieur. Le docteur Dampia s'excuse de ne pas venir lui-même. Mais il faisait plaisir à voir, lui aussi. Belot est vivant, hein? Oui, le docteur en est persuadé. Comme vous, monsieur. Et je l'ai vu, je l'ai vu. Mais il est terriblement touché. Oui, toujours sans connaissance. Hélas, oui. Nous irons ensemble demain matin. Peut-être aura-t-il recouvré un peu de lucidité. S'il parvenait seulement à nous reconnaître et à le manifester. Entrez. Docteur Dampierre. J'ai pu me libérer quand même. Oui, Belot est vivant. Je vous remercie d'être venu et vous écoute. Bien. Pour l'autopsie, c'est très simple. Une balle en plein cœur. Mmh. Cavalioli a emporté tout de suite une photo du corps et la balle. Dès qu'il les aura examinées, il viendra vous en parler. L'homme est mort sur le coup? Ouf. À peu près. Traces de violence, lésions? Aucune. Et l'heure? Entre 5 et 6 heures du soir. Je remettrai mon rapport demain matin dès que vous m'aurez communiqué le nom du juge d'instruction. Mais oh, rien d'urgent de ce côté. La surprise, c'est la ressemblance entre les deux. Stupéfiante. Mmh. Si nous avions rencontré cet homme tel qu'il était, elle ne nous aurait certainement pas frappés. Mais si nous partons du fait qu'il lui a suffi d'un fond de teint et d'une moustache postiche pour apparaître à ce point un autre, ben nous rassemblons tous les éléments communs qui sont nécessaires pour permettre un maquillage si simple. Entrez. Les inspecteurs Cavalioli et Bonnardel demandent à être introduits, monsieur le directeur. Mais qu'ils entrent, qu'ils entrent. Bien, monsieur le directeur. Messieurs, Belot est bien le vivant, hein? Alors, droit au but, Cava. Le contenu des poches du mort, monsieur le directeur. Mmh. Portefeuille, étui à cigarettes, trousseau, trois clés. Tu veux jeter un coup d'œil sur les papiers du portefeuille, Simon, s'il te plaît? Oui, monsieur. Un petit plan de Paris, quelques billets de banque. Tiens, quelque chose de tout à fait étonnant. Quoi? Ben, voyez-vous-même. Ah, la carte d'identité officielle de Frédéric Belot. Oui, c'est bien celle que nous portons tous à la PJ avec l'empreinte du pouce. Ben, elle ne peut pas être celle de Belot. Il l'avait volée, cette carte. Oh, pas du tout. Elle correspond au pouce du mort, n'est-ce pas, docteur? Ah, parfaitement. Et quand j'ai cherché aux archives la fiche de M. Belot, elle n'y est plus. Disparue. Volatilisée. Quant à la carte de notre blessé, je l'ai prise dans son veston tout à l'heure à Saint-Louis, au cas où nous n'aurions pas eu affaire au vrai Belot. Jetez-y un coup d'œil, Cava, hein. Une boucle interne, hein, l'autre est en arc. C'est pas la même. Chacun son pouce. Ben. Et il faut en conclure, j'imagine, que si le bonhomme n'avait pas été tué, si l'on avait pu découvrir son maquillage, il se serait fait passer pour Frédéric Belot. Mmh. L'admirable, c'est qu'il ait eu l'idée d'une carte officielle, portant son empreinte à lui, au lieu de voler celle de Belot. On n'aurait sans doute jamais eu l'occasion de rechercher aux archives la fiche correspondante. Et l'aurait-on fait qu'on aurait mis sa disparition sur le compte d'un employé négligent? Songez donc, à un poste pareil, personne n'aurait pu concevoir un instant une telle substitution. Pas même vous, monsieur le directeur. Cette histoire est affolante. Eh oui, ça, je l'admets. Il n'empêche que cet homme avait des intelligences partout dans la maison. Ici, pour s'être procuré une carte, et aux archives de l'identité, pour avoir fait disparaître l'affiche. Non, ce que je ne m'explique pas, c'est qu'il ne l'ait pas fait remplacer par une fiche à son empreinte, pendant qu'il y était. Cavalioli, qu'est-ce que vous tenez à la main? Oh, pardon, deux photos de cet inconnu, de face et de profil. En faites voir. Merci, oui. Mustapha Hollande. Affolant. Et la balle retirée du cœur? Elle vient naturellement du pistolet de M. Belot. Bonnardel, vous nous parlez un peu des pistolets, hein? Monsieur le directeur, quand vous êtes arrivé rue de Crimée, il ne restait que le mort. Je dois donc vous exposer la situation des deux corps tels qu'ils ont été découverts par Rivière. Oui, nous vous écoutons. Alors, Monsieur Belot se trouvait couché sur le dos dans la partie cabinet de travail de sa grande pièce, près de la porte de sa chambre. À sa main droite, un Browning de 6.35 fabrication Herstal. Et dès que je l'ai regardé de près, ce pistolet, j'ai su que le blessé était le vrai Belot. Mais là-bas, vous n'avez rien dit? Monsieur le directeur, quand j'ai pu m'en rendre compte, vous étiez parti, Rivière aussi. Je ne suis pas arrivé à vous joindre. Figurez-vous, il y a des années de ça, bien avant qu'il devienne chef de la brigade, il m'avait montré son arme en me disant « Vois-tu, Bonnardel, j'ai donné deux coups de lime en forme de croix, là, sur le chargeur. Et si jamais je disparais et qu'on trouve ce joujou sur quelqu'un, tu sauras ce que ça signifie. On n'aura pas besoin de chercher le numéro. » Donc le mort serait l'agresseur? Et ça me paraît clair comme le jour. Alors lui, il était donc tombé à la place où je l'ai vu, je suppose, Simon, hein? Oui, dans la partie salon, mais sur le ventre. J'ai aidé Gourmelin à le retourner. Et dans cette nouvelle position, son automatique, de même type que celui de mon parrain, se trouvait à main gauche. Mais avais-tu remarqué une boîte de cartouches qui se trouvait sur une petite commode de ce côté-là, contre la cheminée? J'avoue que non. Eh bien, moi, je l'ai vue. Et je l'ai ouverte. Des cartouches de 6.35 pouvant aller par conséquent dans l'un ou l'autre pistolet, mais qui étaient destinées à celui de l'inconnu. Bonnardel, c'est une affirmation hasardeuse. Mais elle me semble logique, monsieur le directeur. La boîte était près de son chapeau. Un chapeau d'ailleurs pareil au chapeau de Belot qui se trouvait accroché dans l'antichambre. Et marqué tout comme l'autre des initiales FB. De plus en plus incroyable. Bon, alors maintenant, vos hypothèses. Ah, et Cavalioli les partage entièrement, monsieur le directeur. Exact. Alors voilà. L'inconnu s'introduit chez Belot après s'être fait la tête de sa future victime. Et il arrive dans l'appartement. Bon, pense-t-il que Belot est là ou qu'il n'est pas encore rentré? Ça, en tout cas, il pénètre dans le cabinet de travail, soulève la portière, passe dans le salon. La portière retombe sur lui. Il sort son pistolet, et on est obligé de supposer qu'il n'avait pas pu le charger jusqu'alors. Oui, alors... Oui, je reconnais, mais en attendant mieux, il y a cette boîte de cartouches. Mmh. Alors, l'homme pose son chapeau, il prend la boîte dans sa poche, charge le pistolet. À ce moment, il entend du bruit et soulève de nouveau la portière. Il voit Belot à la porte de sa chambre, arme au poing. Il tire... Une balle dans la poitrine, une balle dans la tête. Mais Belot a le temps de riposter. Une balle en plein cœur. Par conséquent, il reste plusieurs balles dans les deux chargeurs. Eh bien non, il n'en reste aucune. Hélas. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Bonnardel, vous expliquez ça comment, vous? J'ai distingué plusieurs éraflures au plafond. Il faut donc supposer que Belot, en tombant, a machinalement continué de tirer. Et l'agresseur a fait de même. Voilà bien des suppositions. Avez-vous retrouvé les douilles? J'en ai aperçu quelques-unes. Et j'ai pensé qu'il valait mieux d'abord faire relever les empreintes qui devaient figurer sur le Browning de l'inconnu. Et voir si celui-ci n'était pas déjà passé chez nous. Et alors? Alors, je suis retourné immédiatement à l'identité. On a pu relever le pouce. C'est bien le même que celui du cadavre et de la carte. Mais au service dactyloscopique, rien qui corresponde. Et l'un de vous a-t-il demandé à la concierge si elle a entendu les coups de feu? Oui, je l'ai fait. Elle a juré que non. Tout en déclarant que chaque fois qu'un autobus ou un camion dégringole la rue de Crimée, son vacarme couvre tout. Mais je voudrais poser une question à Bonnardel. Hein? Selon toi... Qu'est-ce que l'assassin aurait fait du corps de Belot si son plan avait réussi? Mais il aurait raflé les papiers que Belot pouvait porter sur lui, modifié sa physionomie, et puis il aurait fait appel à nous en le dénonçant comme un faux Belot qui se serait introduit chez lui. Tu crois vraiment que cet homme comptait prendre sa place officiellement? Complètement? qu'il aurait osé venir s'installer ici, qu'il se serait installé dans le bureau du chef de la brigade criminelle, enfin, qu'il aurait conduit ses affaires et les nôtres. Non, c'est insensé. Enfin, un bonhomme qui a été capable de se procurer sa carte officielle avec des précautions formidables. Jusqu'au même costume, au même chapeau, aux initiales du même modèle. Enfin, c'était pas pour un jour, ni pour un seul crime. Bon, je vous remercie, messieurs, je vous remercie. Puisque l'agresseur est mort, l'affaire sera classée, nous aurons besoin naturellement d'éclaircissements. Et je souhaite de tout mon cœur que mon vieux camarade soit en mesure de nous les donner bientôt. Silence absolu envers qui que ce soit jusque-là, n'est-ce pas ? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Simon, encore un mot. Rendez-vous demain matin, 8h, à l'hôpital Saint-Louis. Entendu, monsieur. Il y a quelque chose qui te tracasse. Oui. Vous êtes trop intime avec mon parrain pour ignorer qu'il aime une femme, qu'il a l'intention de l'épouser. Eh oui, bien sûr. Tu la connais ? Oui, je l'ai vue. Eh bien, il faudra que tu ailles demain lui annoncer très doucement, bien sûr, hein ? Et sans parler de l'autre. Faudra aussi que tu préviennes la mère de ton parrain. Allez, va te coucher, tu es épuisé. C'est vrai. Bonne nuit, monsieur. Bonsoir, Simon. Ah, Simon. Bonjour, monsieur Picard. Bonjour. Je ne te demande pas comment tu as dormi, ça se voit à ta mine. Tu n'as pas fermé l'œil. Vous non plus. Vous savez ce que mon parrain représente pour moi depuis la mort de mes parents. S'il disparaissait... Mais non, alors, pourquoi veux-tu... Tiens, voici le professeur Frogier. Bonjour, monsieur. Bonjour, professeur. Alors, notre blessé ? Ah, l'évolution n'est pas aussi favorable que je l'espérais. Certains signes sont même inquiétants. Collapsus, syncope répétée. Bon, sa chambre est à deux pas, j'en viens. J'y retourne avec vous. Depuis hier soir, il n'a cessé de se plaindre. Parfois quelques mots, oui. A-t-il des instants de lucidité ? Je ne pense pas. Et voyez, il s'agite de nouveau. Ah, non. Non. Ne frappe pas ça. Ah. Mon ami. Mon sauveur. Retirons-nous, cela vaut mieux. Bon, eh bien, je reprendrai des nouvelles vers la fin de la matinée. Vers 13h, si vous voulez bien. J'ai fini mes visites à cette heure-là. Mes respects, monsieur le professeur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le professeur. Bon, la voiture est dans la cour. Je t'emmène, Simon. Mais Simon, tu m'écoutes ? Pardonnez-moi. Je pensais aux paroles étranges que mon parrain vient de prononcer. Qu'est-ce qu'elles signifient ? Oh, je n'en sais rien. Il les expliquera lui-même quand il aura recouvré sa lucidité. Mais monsieur, il va mourir. Mais non, non, non, non, je suis persuadé que non, nous devons espérer. Permettez-moi de poursuivre mon enquête. Et de quelle façon ? Retourner rue de Crimée, revoir l'appartement, interroger Madame Morin, chercher un indice, une explication, chercher. Et si tu y tiens. Mais n'oublie pas que tu dois aller au plus tôt chez Madame de Guise et chez la mère de ton parrain. D'autant que je veux lui soumettre à elle les photos de l'inconnu prises par Cava à l'Institut médico-légal. Je suis passé les prendre avant de vous retrouver ici. Ah bon, bon. Bon, ben je te quitte, mon petit. Je vais recevoir ceux de votre brigade à sa place, leur annoncer qu'ils ne le verront ni ce matin, ni aucun matin avant longtemps. Un accident, il a eu un accident, bel euphémisme trop fréquent à la PJ. Nous rentrons, Puiset. Bien, monsieur. À tout à l'heure, monsieur le directeur. À tout à l'heure, Simon. mon Dieu, quel bonheur! Monsieur Belot s'est seulement blessé. Comme vous dites, Madame Morin. Mais il est loin d'être hors d'affaire. Quelle affaire? Et comment ça se peut, deux hommes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau et qui se tuent? C'est bien ce que je m'efforce de savoir. Tenez, voulez-vous examiner ces deux photos? Ah. C'est le même sur les deux? Je vois pas. Si! Si, il me rappelle quelqu'un. Ah, voilà Morin. Morin! C'est pas Monsieur Belot qui est mort. Bonjour Monsieur Simon, merci de la nouvelle. Bonjour Morin. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus, Raymond. J'ai comme l'impression qu'on connaît cet homme-là. C'est Monsieur Belot, non? Il serait déguisé? Exactement. Et je l'ai vu aussi quelque part, tel qu'il est là. Et comme je sors jamais du quartier, seulement où? Ah, le misérable. Bon, excusez-moi, Monsieur Simon, je dois prendre mon service. Je suis déjà en retard. Bonne chance pour la suite. Hey, merci. Au revoir. Vous voulez me poser des questions, Monsieur Simon? Tant que vous voudrez. Entrez. On a bien quelque chose. Du café. J'en ai justement sur le feu. Ah, bien volontiers, oui. Dites-moi, Mme Morin, quand M. Belot est-il rentré hier, pour la dernière fois? Vers 2 heures de l'après-midi. J'ai même été bien étonnée de le voir revenir à cette heure-là. Et vous l'avez fait remarquer? Pour sûr, quand il est passé devant la loge. Et que vous a-t-il répondu? Je suis fatiguée, ma brave Angèle. Je vais peut-être vous demander une tasse de thé tout à l'heure. Là-dessus, il a ajouté. Mais je dois d'abord vous raconter autre chose, pour que vous compreniez. Absolument. La veille. Enfin, avant-hier, quoi. Vers minuit. Le voilà qui frappe au carreau et me dit « Ma bonne Angèle, ça m'ennuie beaucoup de vous réveiller, mais figurez-vous que je ne retrouve pas ma clé. Auriez-vous l'obligeance de me prêter la vôtre ?» Je la lui prête. Et hier matin, quand je lui ai monté son petit déjeuner, il me fait « Je ne vois vraiment pas où j'ai pu perdre ma clé. Ça va m'obliger à acheter une autre serrure. » Et il n'a pas traîné, hein. À 2 heures, il a tiré de son manteau une belle serrure de sûreté en disant « Faudra que Morin la pose ce soir. » Là-dessus, il est monté. Bien. Ensuite? Buvez votre café pendant qu'il est chaud, Monsieur Simon. À 3 heures, il m'appelle. Oui. À ce petit téléphone qui est notre liaison à nous. Il voulait son thé. Je lui monte. Ça devait faire 3h10. Je le trouve étendu sur son lit, tout habillé. « Ça va pas, Monsieur Belot ?» je lui dis. Oh, « J'ai une de ces migraines, » il me répond. « Je lui ai conseillé de se coucher, tout à fait. » Il n'a pas dû vouloir. Il m'a demandé seulement de fermer les volets. « Comment ? Si tôt ?»« Oui. Bon, je n'allais pas l'ennuyer davantage avec mes discours. Hein. Je suis redescendue. Oh, si j'avais pu me douter de ce qui allait arriver. »« Et qu'est-ce qui est arrivé ?» C'est vous qui me demandez ça. Évidemment. Excusez-moi, mais quelqu'un est entré dans la maison ensuite? Personne. Jusque vers les 5 heures. Munouche, tu embêtes Monsieur Simon. Mais non, j'adore les chats. Une chose m'intrigue. Pourquoi la porte de la rue reste-t-elle ouverte d'habitude puisque cette maison n'est habitée que par Monsieur Belot? C'est une idée à lui. Il veut pas que les gens qui viennent le voir se cassent le nez, comme il dit. Il monte directement et sonne à sa porte. Et recevait-il beaucoup de visites? Non. Sauf une dame. Ah, mais ça, je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Madame de Guise. Vous la connaissez, Monsieur Simon? Vous oubliez que Monsieur Belot est mon parrain. C'est-il vrai que cette belle dame serait notre future patronne? Oh, tant mieux. Elle me plaît. La malheureuse. Donc, personne jusque vers les 5 heures. Oh, j'ai pas besoin de regarder ma montre. Tous les jours, à 5 heures, j'ai des crampes d'estomac qui me prennent. Et qui est venu hier? Madame de Guise, justement. Je me suis dépêchée de donner de la lumière parce que l'escalier était noir. Ouais. Personne d'autre? Si. Un monsieur que j'avais jamais vu. Il est passé tout droit sans tourner la tête. Bon, j'ai bien l'impression qu'il a dû rencontrer Madame de Guise dans l'escalier parce que elle est redescendue 1 minute après. Le temps que je rince 3 mouchoirs, Il est ressorti à son tour. Et vous l'avez vu ressortir? Puisque je vous le dis, monsieur Simon, je l'ai même tout à fait distingué cette fois-là. Il faisait plutôt cossu, mais avec une tête d'enterrement. Et ensuite? C'est tout. J'ai pensé que vers 7 heures, monsieur Belot me téléphonerait pour que je lui montre de quoi manger. Mais non. Alors je me suis dit qu'il avait dû se coucher quand même. J'ai préparé notre soupe, j'ai mis la table, et c'est à ce moment-là que vous êtes venu avec monsieur Gourmelon. Réfléchissez bien à ce que je vais vous demander maintenant, madame Morin. N'avez-vous entendu aucun coup de feu? Aucun bruit bizarre après le départ du monsieur? Rien du tout. Je l'ai dit hier à l'autre inspecteur. Absolument rien. Voyons, monsieur Picard a téléphoné à monsieur Belot vers 5 heures. Bon, il a répondu qu'il partait immédiatement. Alors peut-être madame de Guise était-elle présente lors de cette communication? Elle l'a donc quitté aussitôt, et puisque mon parrain était pressé de regagner le quai des Orfèvres, il a renvoyé le visiteur à un autre jour. Et c'est tout de suite après qu'on l'aura attaqué. Et comment il serait rentré, l'assassin? Mais ma bonne Angèle, vous l'avez dit vous-même. Vous n'êtes pas tout le temps à regarder qui passe. Il suffit d'une minute d'inattention entre 3 et 5 heures. Alors l'homme s'est caché ensuite dans l'appartement. Il ne tenait peut-être pas à commettre son crime si vite. Mais quand il a su que monsieur Belot allait sortir, il a tiré. En tout cas, il ne pouvait pas être dans l'appartement à 3h30. Vu que j'ai fermé les volets dans toutes les pièces, du premier et du second, et que j'ai l'oreille assez fine pour entendre quelqu'un qui serait sauvé devant moi quand je passais d'une pièce à une autre. Et puis pensez ce que vous voudrez, monsieur Simon. Mais je vous jure bien qu'après, j'ai ouvert l'œil jusqu'au soir, à cause de la clé perdue. Morin devait rentrer tard. D'ailleurs, l'agresseur a dû éviter de pénétrer dans la maison par la grande porte. Ça vous paraît possible? Par le garage? On se demanderait comment. Vous en avez la clé? J'en ai même deux. Morin a l'autre. Et c'est les clés de sûreté. Venez, il faut qu'on sorte dans la rue. Bonsoir, madame Morin. Quel temps, hein? Il fait frisquet. On annonce même de la neige. Attendez, je vais soulever le portail. Vous entendez? Et là-dedans, rien que du bric-à-brac, des malles, des tas de vieux trucs. C'est Morin, d'ailleurs, qui s'occupe de tout ça. Il y range ses mobilettes. Et monsieur Belot, il descendait quelquefois? Jamais, jamais. Ah, les murs? Bah non, c'est du vrai. Non, l'inconnu n'a pas pu s'introduire par là dans la maison. Bon, je vous l'avais dit. Bon, je vais jeter un coup d'œil dans l'appartement. Je vous accompagne? Oui, si vous voulez. Au premier, d'abord. On peut pas croire qu'il s'est passé un malheur là-dedans. Tout est si net. Mais il y a encore la tasse de thé que j'ai montée à monsieur Belot. Et le bouquet de violettes, là, sur le bureau. C'est sûrement la belle dame qui l'a apporté. Les fleurs sont encore toutes fraîches. Elles sentent bon. Mais qu'est-ce qui traîne par terre? N'y touchez pas, madame Morin. Ce sont des douilles de revolver. Il faut les laisser en place, c'est important pour l'enquête. Bon, voilà, vérifions la fermeture des volets. Impossible de les ouvrir par l'extérieur. Bon, alors maintenant, vous allez redescendre. Oui. Et une fois chez vous, à l'endroit où vous étiez hier, vous tendrez l'oreille. Pourquoi donc? Parce que je vais tirer plusieurs coups de feu. Et vous me direz après si vous les avez entendus. Ah oui, je comprends. Allez. Oui. Vous avez entendu ? Je suis pas sourde. Combien de coups de feu ? Deux. Mais les autres ? Quels autres ? Cela n'a pas pu vous échapper. Trois ou quatre ? Ni trois, ni quatre. Ah, vous ne pouviez pas prévoir qu'un autobus descendrait la rue à ce moment-là. Ou des camions. Et c'est tout le temps. Nous ne sommes pas plus avancés qu'au début. Vous montez pas au second ? C'est là qu'il se tenait, M. Belot, le plus souvent. Qui range ses dossiers. Non, il faut que je file d'abord chez Mme de Guise, au fond d'Auteuil. Dans le cas où elle aurait remarqué quelque chose ou quelqu'un. Puis lui apprendre aussi. Eh ben, je vous plains. J'ai toujours cru qu'elle habitait le quartier. Vous pensez que M. Belot nous quittera quand il sera marié ? Oh, on serait malheureux. Attendons d'abord qu'il se remette, Mme Morin. Il est si mal. À tout à l'heure. À tout à l'heure, M. Simon. Taxi! Villa de la Réunion, entre l'avenue de Versailles et la rue Chardon-Lagache. Petit hôtel particulier à droite, je suppose. Et là où est cette grosse voiture bleue ? Ouais, ça va être le numéro. Venez, gardez tout. Merci, monsieur. C'est calme, hein ? C'est beau malgré le sale temps. Ah, il y en a qui ont de la chance. Pas forcément. Je suis chez Madame de Guise. Oh, monsieur, elle est si malade. Vraiment ? Oui. J'avais un message important pour elle. Oh, madame ne pourrait pas vous recevoir, monsieur. Il y a justement là le docteur Deluc, son docteur, qui a amené un professeur avec lui. Le professeur Passerio, vous connaissez ? Très bien. Ah oh, bon. Mais entrez, entrez, monsieur. Si vous voulez bien patienter, vous pourrez peut-être parler à ces messieurs. Entrez là, dans le salon. Je vais prévenir. Mon cher, je vous remercie infiniment d'être venu. Messieurs, je me présente, docteur Deluc. Oh, comment c'est vous, inspecteur Rivière ? Vous me reconnaissez ? Pas sérieux. Oui, j'ai même reconnu votre voiture bleue, professeur. C'est l'inspecteur Rivière à qui j'ai eu la chance de voir confier l'énigme de mon cambriolage il y a 2 ans. Et votre présence, inspecteur, montre à nouveau que la police française ne perd jamais de temps. Que voulez-vous dire ? Nous ne sommes déjà que trop au courant de la tragédie, figurez-vous. Et tant mieux pour vous-même, car dans l'état où elle est, nous ne pourrions vous permettre de voir notre malade. Enfin, quand je dis que nous sommes au courant... Et que savez-vous exactement, messieurs ? Mais c'est bien simple. Mon confrère, le docteur Deluc, que voici, m'a appelé d'urgence en consultation. Madame de Guy, sa malade, et depuis un instant la mienne, est en train de faire une crise nerveuse des plus alarmantes. Elle a été bouleversée par l'assassinat d'un homme qui lui est très cher et que vous connaissez naturellement puisque vous êtes ici et qu'il fait partie de votre maison. Ferdinand Belot, je crois. Non, Frédéric. Mais ce que vous me dites, monsieur le professeur, me stupéfie. Mais comment madame de Guise a-t-elle pu l'apprendre ? D'une façon tout à fait officielle, elle a reçu un message personnel de la préfecture. De la préfecture ? Me serait-il possible d'y jeter un coup d'œil ? Oh, mais certainement. Sans cette lettre, nous ne saurions pas ce qui s'est passé. Madame de Guise n'est pas en état de donner la moindre explication. Lisez, inspecteur. Manuscrite ? Et c'est bien le papier de la préfecture. Préfecture de police, police judiciaire, cabinet de M. Frédéric Belot. Madame, nous nous trouvons dans la triste obligation de vous annoncer que M. Frédéric Belot vient d'être la victime d'une agression à son propre domicile. Il est très grièvement blessé. Nous vous prions de ne tenter aucune démarche pour le voir, la moindre émotion risquant de provoquer une issue fatale. Nous ne manquerons pas de vous donner de ces nouvelles dès que possible. Nous vous prions d'agréer, madame, nos salutations respectueuses. Signature Illisi. Avez-vous conservé l'enveloppe ? La voici. Pas de timbre ? Cette lettre a donc été apportée. Savez-vous à quel moment, docteur ? Ce matin, à midi ? Dès hier et dans la nuit, vers les 11h. J'ai interrogé longuement Célestine, la fidèle gouvernante que vous avez vue. C'est un chauffeur de taxi qui la lui a remise. Et lorsque ma malade en a pris connaissance, elle s'est évanouie. Célestine affolée m'a téléphoné aussitôt et je suis accouru. Il est donc inutile que je vous importune davantage. C'était ma mission. Voulez-vous me confier cette lettre, docteur ? Oh, cela va de soi. Je vous remercie. Je n'ose vous dire de rassurer madame de Guise, car Frédéric Belot... Il n'est pas mort ? Enfin, les termes de la lettre me paraissaient malheureusement si clairs. Ses blessures sont très graves. Mais on ne désespère pas de le sauver. Vous rentrez à la tour pointue, inspecteur ? Je vous emmène, j'habite toujours l'île Saint-Louis. Le joyau de Lutèce. Et fier de votre voisinage. Alors, que pensez-vous de cette lettre, monsieur Picard ? Elle me stupéfie autant que toi. Je connais parfaitement toutes vos écritures. Aucune ne ressemble à celle-ci. Truffaut, voulez-vous venir ? Oui, monsieur le directeur. Et si Truffaut n'y comprend rien non plus, alors là... Entrez ! Truffaut, jetez un coup d'œil là-dessus, voulez-vous ? Cette lettre émane du cabinet de monsieur Belot. Elle n'a pu être écrite que par vous, son secrétaire. Et je ne reconnais pas votre écriture. Avez-vous une explication ? Monsieur le directeur, comment me serais-je permis sans votre autorisation ? Aucun doute, l'enveloppe et le papier sont d'origine, mais pas le texte. Et alors que personne ne pénètre sans laisser passer dans nos bureaux, ni jour, ni nuit. Les prévenus, je les ai à l'œil. Et les inspecteurs qui les accompagnent n'en font pas moins. Je suis obligé de suspecter quelqu'un de chez nous qui aura volé ce papier. Un nom vous vient à l'esprit, monsieur Truffaut ? Non, mais faites-les défiler chez moi, monsieur le directeur, et je vous assure que je le reconnaîtrai. Bon, c'est bien, merci, Truffaut. Il est difficile d'écarter l'hypothèse d'un faux Belot qui se serait introduit au moins une fois dans la maison afin de s'emparer de tout ce qui lui était nécessaire. Mais voyons, Simon, comment veux-tu qu'il ait envoyé cette lettre après sa propre mort ? C'est absurde. Dans ce cas, Truffaut a raison, monsieur. Il y a un complice. Mais je le crains. Mais comment ce complice a-t-il été averti et pourquoi a-t-il averti madame de Guise sous cette forme ? C'était le meilleur moyen d'attirer notre attention sur son existence. Peut-être a-t-il cru nécessaire de provoquer ainsi, tout de suite, ce choc, ce bouleversement. Et cela, d'autant plus que l'agresseur venait de succomber. Et qui sait si Madame de Guise ne connaît pas un détail, ou plusieurs, qui pourraient nous éclairer. Et s'il a voulu nous empêcher de la voir et de la questionner, il y est parvenu. Mais tu as sans doute raison. Il faut attendre encore. Je viens de téléphoner à Saint-Louis. Ah oui ? Toujours le même état, impossible pour le moment de rien lui demander à lui non plus. Et si nous passions un avis dans la presse ? Le chauffeur de taxi qui, le 4 novembre à 23h, a porté une lettre, Villa de la Réunion, à Auteuil, et prié de se présenter 36 quai des Orfèvres. Et je note, oui. Oui ? Monsieur Leplan est arrivé. Ah, bon, très bien, je le reçois tout de suite. C'est le chef du cabinet du ministre. Va dicter toi-même cet avis à Jacqueline, ça ira plus vite. Et n'oublie pas que tu dois te rendre chez Madame Belot. Oh non, je n'oublie pas. À bientôt, monsieur. À bientôt, Simon. Salut, Rivière. Quelle nouvelle ? Aucune. Sais-tu si Cava est encore à l'identité ? Oui, mais pas pour longtemps. Grouille-toi si tu veux encore le voir. Oui. Ah, tu es encore là. Je craignais de te manquer. Alors, ces photos, tu les as comparées ? Je t'ai dit ce soir, il me faut de bons agrandissements et c'est pas un travail commandé. Tu déjeunes avec moi ? Oh, pas question. Dîner, peut-être. Bon, d'accord. Ça sent rudement bon chez vous. Ah, je vois que vous avez fait du pot-au-feu. J'adore ça. Moi de même. Mais avec mon estomac délabré, rien ne passe. Je vous mets une assiette. Oh, vous boirez bien un peu de bouillon. Ça vous réchauffera un brin. Il va geler. Non, merci, je n'ai vraiment pas le temps. Je vais visiter le second. Voilà les clés. Merci. Vous voulez pas que je vous accompagne ? Non, non, non, non, mangez tranquillement. Et bon appétit quand même. Si je pouvais prendre un cornichon. Faisons une reconnaissance des lieux. Alors, la petite antichambre, le cabinet de travail, d'où on peut passer successivement dans les deux autres pièces qui donnent sur la rue. Mais les deux autres, celles qui donnent sur la courette, comment y va-t-on ? Où est la porte ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle devrait être là, à l'endroit de la penderie. Où il y a tous les vêtements de parrain. Mais elle est là, cette porte. Enfin, du moins, le panneau qui la remplace. Avec une serrure. Une serrure. Madame Morin. Oh, vous m'avez fait peur. Madame Morin, les deux pièces du second qui donnent sur la cour. Mais elles ne donnent pas sur la cour, monsieur Simon. Elles donnent sur la rue Arthur Rosier, voyons. Ben, depuis le temps que vous venez ici, vous la connaissez quand même, cette drôle de rue qui nous enjambe. Il y a toujours eu une sortie de ce côté-là, sauf qu'elle était condamnée. Et c'est il y a 2 ans que monsieur Belot l'a fait rétablir. Et vous me dites ça maintenant ? Mais j'avais pas à vous le dire. J'étais sûre que vous le saviez. Au moment où monsieur Belot a pris son locataire. Ah ! La photo ! La photo que vous m'avez montrée, c'était lui. Et vous ne l'avez pas reconnu ? Bon, je l'ai peut-être vu 2 ou 3 fois, au moment des travaux, il y a 2 ans. Jamais depuis. 2 ans. Mais personne de la rue Arthur Rosier ne vous a jamais rien raconté de ce locataire ? Oh, mais je ne suis pas une concierge d'immeuble, moi, monsieur Simon. Je cancane avec personne. Je suis au service de monsieur Belot tout seul. On est ses gardiens, nous deux, Morin. Il nous considère un peu comme sa famille. Il nous l'a dit souvent, Demandez-lui de sa famille, comme vous. Pardonnez-moi, Angèle. Nous sommes malheureux ensemble et toute cette affaire nous dépasse de plus en plus. Encore un peu de courage, si vous pouvez. Vous connaissez son nom? Monsieur Martin. Monsieur Bellot l'a appelé comme ça autrefois. Martin. N'importe qui peut s'appeler Martin. Il y en a encore plus que de Durand et de Dupont. Puis voilà. Vous savez bien comme il est, mon patron à moi. À part les gentillesses, pas un mot sur rien. Seulement le nécessaire. Au moment des travaux, tout ce qu'il m'a dit, c'est... Je vais louer la moitié du second, ma brave Angèle. Une petite affaire, mais une affaire quand même. On va boucher le mur. Ne vous occupez de rien. Je veillerai sur les travaux. Il m'a semblé l'entendre. Vous comprenez que je ne peux pas le voir mourir sans essayer de trouver. À votre place, je ferais pareil. Quelqu'un qui connaissait, qui l'avait pris comme locataire, avisé comme il était, il n'a pas dû prendre n'importe qui. Et cela remonte à 2 ans. Oui, l'année où il s'est donné 3 mois de vacances. Vous vous rappelez? Non, si je me rappelle. C'est à ce moment-là qu'il est devenu chef de la brigade. Bon, je retourne au second. Auriez-vous une petite lampe électrique par hasard? Une vieille loupiote. Mais elle éclaire quand même. Oh, je peux pas l'attraper. Morin n'accroche toujours trop haut. Tenez, prenez-la. Ah, merci. C'est une serrure de sûreté. Et qui en avait la clé? Les deux? Et maintenant lequel? Elle est peut-être sur le trousseau du cadavre. Il faudrait la voir tout de suite, tout de suite. J'ai l'entrepreneur qui a fait les travaux. Je vais appeler Madame Morin par le petit téléphone intérieur. Allô, Madame Morin? Vous devez connaître le nom et l'adresse de l'entrepreneur qui a fait ses travaux du second. Bien, je note. Boquillon, 35 rue Botzaris. Vous avez aussi son numéro de téléphone? Ah, très bien. 203 26 76. Oui, je vois que je peux le demander d'ici. L'entreprise Boquillon? Monsieur Boquillon lui-même? Ah, parfait. Ici l'inspecteur Rivière, le filleul de Monsieur Belot. Oui, voilà. Il est absent de Paris et avant de partir, il a mis sa maison en vente. Il m'a chargé de la faire visiter à quelques personnes et j'aimerais avoir une ou deux précisions auparavant. Mais très volontiers. Bon, merci. Par exemple, la séparation en deux du second étage. Une séparation toute factice. Elle peut être rétablie comme un rien. Il suffit de faire sauter les deux penderies. Ah, les deux penderies. Expliquez-moi ça, Monsieur Boquillon. Une excellente idée de Monsieur Belot pour camoufler. Entre elles, nous avons placé un panneau à glissière. Vous remettez une porte et tout l'étage retrouve son unité. 2 heures d'ouvrier, pas davantage. Et ce panneau ferme comment? Par le moyen d'une minuscule serrure de sûreté dont Monsieur Belot a la clé. Vous n'en posséderiez pas un double, par chance? Ah, ça non, cher monsieur. Il ne me l'a jamais confié. Je n'ai d'ailleurs pas eu à m'occuper de la serrure. C'est Monsieur Belot qui en a fait l'achat. Il l'a peut-être posé lui-même ou son locataire. Nous préférions d'ailleurs cela, vous pensez, chez un des grands chefs de la police. Vous savez, Monsieur Rivière, si vous ne trouvez pas d'acquéreur, je me mets sur les rangs. La maison a du charme et nous aurions des clients pour... Merci, Monsieur Boquillon, je n'oublierai pas. Vous avez trouvé quelque chose, Monsieur Simon? Et je crois que oui, Madame Morin. Et comment se fait-il que les vêtements de Monsieur Belot se trouvent au second, alors que sa salle de bain est au premier? Monsieur Belot a ses vêtements au second? Oh, première nouvelle. Où ça? Dans la penderie du fond, tout simplement. Elle est ouverte, cette penderie? Bien, moi, je n'ai jamais trouvé ouverte. Je fais pourtant le ménage tous les jours. Et elle contiendrait? Oh, mon pauvre monsieur Simon, hein, toute cette histoire vous fatigue trop la cervelle. Les vêtements de monsieur Belot, ils ne peuvent pas être dans la penderie du second, puisqu'ils ont toujours été dans le grand cagibi du premier. Puisque vous le dites, bon, je vais quand même y aller voir. Ah, vous en aurez fait aujourd'hui des montées et des descentes, hein. C'est bon la jeunesse. Et voilà, les mêmes vêtements, exactement les mêmes. Je compris dans l'instant que je me trouvais à une étape capitale de l'énigme. Une énigme qui risquait, non pas de nous apporter la lumière, mais d'en être encore davantage obscurcie. Pour me ressaisir, pour tenter d'y réfléchir sérieusement, sainement, comme me l'avait enseigné Belot, je décidai d'aller passer une demi-heure dans un des cafés des buts de Chaumont. Mais auparavant, je devais d'abord me procurer la clé qui me hantait. C'était l'heure du déjeuner. J'appelai le patron à son domicile. Je voudrais parler à monsieur Picard. Oh, madame Picard, c'est Simon Rivière. Merci, madame, je ne m'en doutais pas. Merci. Monsieur Picard n'est pas là. C'est urgent, oui. Vous pouvez le joindre? Ah, oh, quelle chance. Voulez-vous lui demander s'il est d'accord de me faire apporter par un motard le trousseau de clés que Cavaglioli a trouvé dans une des poches de l'inconnu? Je vais être rue de Crimée, oui, chez mon parrain. Merci, madame. Et pour monsieur, ce sera Un demi, un sandwich jambon. C'est comme si ça y était. Qui aurait osé imaginer un seul instant que l'inconnu pouvait être au service de Belot? Est-ce que j'ai même le droit de l'imaginer, moi, malgré toutes les évidences que je viens de découvrir coup sur coup? Personne ne le croyait fait pour un travail de chef sédentaire. S'il a fini par l'accepter, c'est précisément parce qu'il a trouvé le moyen de perfectionner encore, par l'intermédiaire de cet inconnu, sa passion de chien de chasse. Il disposait d'un aide insoupçonné. Quand nous avons cru qu'il passait la main, nous ne doutions pas qu'il avait un double. Ça, c'est déjà fort. Mais qu'un aide de ce genre puisse aller jusqu'à revêtir votre apparence... Voici le demi, et voilà le sandwich. Avec des compliments de la direction. Combien? 10 francs tournant. Tenez. Merci. Et pourquoi? Pourquoi une similitude absolue? Un calque? Ce n'est quand même pas concevable qu'il ait pu le laisser paraître, qu'il l'ait volontairement fait paraître dans le monde sous ses traits. Concevable ou non, mon bonhomme, c'est un fait. Et les vêtements? Il faut que tu l'acceptes dans ton crâne, dans ta cervelle, Simon Rivière. C'est sous l'apparence de Belot qu'il a dérobé à la PJ tous les papiers qui lui étaient nécessaires, qu'il a trahi et tenté de tuer. Ouais, mangeons et retournons rue de Crimée. Allons chez madame Belot. Ma chère et redoutable madame Belot. Et puis Cava. Cava et ses images. Oh, des journées infernales. Alors je me suis posé des questions. N'en revenez pas que Bonnardel et toi, surtout toi, vous ayez pu vous tromper à ce point. Quand je suis arrivé hier soir à l'Institut médico-légal, le docteur Dampierre avait déjà fait sauter le maquillage. Une rude faute professionnelle entre nous. Je suis épaté qu'il l'ait commise. Ben, il a dû faire ça pour te rassurer, pour te montrer que c'était pas ton parrain qui était mort. Hmm? Ah, mon pauvre petit... Oh, que va ? Laisse-moi parler. J'ai cherché à comprendre. Hmm. Bien qu'on ne m'ait rien demandé. Et je me suis dit, je vais chercher des ressemblances. Comme ça, je pourrais m'expliquer la première impression de Rivière. Mais en même temps, c'était les différences que je voulais établir. Tu saisis ? Oui. Ouais. Et me prouver en quelque sorte que j'avais raison de douter de toi. Moi, j'ai demandé une photo de Belot. Moi, celle-ci. Elle date de l'entrée de ton parrain dans la maison. Et alors ? Et alors ? Non, mais regarde cette oreille. Mmh. Le point d'attache et la zone d'adhérence du lobe à la joue. Regarde ce pli. Celui-là. Et celui-là. Ouais. Et cette petite tache qui doit être là, la cicatrice d'une coupure. Oh. Alors la mort, c'était dans lui. Frédéric Belot. Mon parrain. Oh, je vais tourner de là. Simon, Simon. Oh, excuse-moi. Eh, tiens, bois. Oh, ça doit être la fatigue depuis hier soir. Ah, pauvre idiot. Eh, je ne pourrais pas faire autrement. Oh, tu n'as pas dû taper fort. Ouais, c'est pas ce que je veux dire. Nous sommes des flics et nous n'avons pas le droit de nous cacher des choses entre nous. Hein? Oh, et moi, ce n'est pas non plus à cause de la fatigue. Mais de cette montée des découvertes depuis ce matin, après l'horreur d'hier soir, et qui était déjà comme une certitude avant que je me précipite ici. Je sors de chez Madame Belot. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, sa mère ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ben, elle a d'abord cru que c'était lui qui entrait. Et il va la voir chaque jour quand il peut. Et puis alors, tout de suite, elle m'a lancé... Tiens, c'est toi, Simon. Il est arrivé quelque chose à mon garçon. Elle dit toujours ton parrain, d'habitude. Je m'en suis voulu de me laisser deviner si facilement. Non, une petite agression, une blessure superficielle, quelques jours de repos... Elle restait crispée, le regard défiant. Alors j'ai parlé d'un certain Martin. Mais qui c'est ce Martin ? Je te dirai après. Elle n'a pas réagi, alors je lui ai montré sa photo sur sa fausse vraie carte de la PJ. Elle l'a considérée et... Tu te trompes de papier, Simon. C'est une photo de ton parrain. D'ailleurs, c'est sa carte d'identité. Ben oui, ma reine, la carte, mais pas la photo. C'est la photo d'un nommé Martin. Jean Martin. Est-ce que tu me crois idiote ? Nom Belot. Prénom Frédéric. Et c'est lui. Rasé, bien sûr, comme il était avant de porter moustache, mais c'est lui. Tiens, prends cet album. Et en donne-le-moi. Le voilà collégien, à 16 ans. Tu vois bien que le visage elle-même, la bouche, tout. Tu ne peux pas soutenir le contraire. Je ne sais quoi vous répondre, ma reine. Vraiment, je ne sais pas. Simon. Mon petit Simon. Tu es bouleversé parce qu'il est arrivé malheur à ton parrain. Oh, jure-moi qu'il n'est pas mort. Jure-le-moi devant le bon Dieu. Sur la mémoire de tes parents. Et j'ai juré. Ah, une mère... Ah, nous en savons trop maintenant. Il faut informer immédiatement le patron. Non, pas encore. Écoute-moi, Cava. Mmh. Je vais d'abord aller à Saint-Louis, voir cet homme, tirer de lui tout ce que je pourrais. Tant pis s'il crève. Mais il parlera. Et je reviendrai ensuite. Moi, j'ai fini ici, je t'accompagne. Nous allons prendre un taxi. Thank you. Ah oui, je vous reconnais. Vous êtes venu ce matin? Comment va-t-il? Pareil. Pourrais-je le voir? Une seule personne, et deux minutes. Je t'attends dans le couloir. Oui. Il a l'air de souffrir terriblement. Mais il ne râle plus. Que dit le professeur? Il continue de réserver son diagnostic. Vous êtes son fils? Son filleul. Ah bon? Je vous laisse. Pas plus de deux minutes, n'est-ce pas? Ne vous agitez pas. Essayez d'ouvrir les yeux. Tournez doucement la tête de mon côté. Regardez-moi maintenant. Simon. Comment? Vous me connaissez? Oh, bien sûr, depuis deux ans. Mais alors, vous n'êtes pas Frédéric Belot? Vous êtes son assassin? Tu es fou! Qu'est-ce qui se passe? Vous lui avez dit quelque chose? Non, non, mademoiselle, vous vous trompez. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Oui, c'est là. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends plus, mon vieux, je comprends rien. J'ai l'impression d'avoir tué un homme. Et puis tu lui as dit, vous n'êtes pas Frédéric Belot. C'était vrai, c'est vrai. Mais il m'avait appelé... Simon. Et quand je l'ai traité d'assassin, tu as entendu son cri. Il m'a crié, tu es fou. Comme mon parrain l'aurait crié. C'est impressionnant, mais la preuve... Il ne pouvait pas la donner, puisqu'il n'est pas Belot. Rentrons vite, que tu vois le patron plus tôt. Les taxis sont par là. Oui, entrez. Ah, Cavaglioli, vous êtes là aussi. Vous vouliez me parler? Je m'apprêtais à partir pour l'hôpital Saint-Louis. C'est à propos de M. Belot, un fait capital. J'ai étudié minutieusement les deux photos, la sienne et celle du survivant. Le vrai Belot est mort, monsieur le directeur. Il est mort assassiné. Mais qu'est-ce que vous me racontez? La vérité. Vous pouvez absolument faire la preuve de ce que vous avancez. Absolument. Je vous enverrai mon dossier dans une heure. Bon, c'est bien. Je vous remercie, Cavaglioli. Vous n'avez parlé à personne de votre découverte? À Rivière seulement. Bon, c'est bien. Bonsoir, Cavaglioli. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, Simon. Bonsoir, mon vieux. Et voilà, Belot est mort. C'est épouvantable. Tu ne dois rien comprendre à tout cela, mon garçon. Mais moi, je comprends maintenant. Le drame? Le drame? Non. C'est du reste que je veux parler. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Le reste, je le connais également. À quoi donc? Asseyons-nous. Il faut que tu racontes tout. Oh, tout. Mais l'essentiel, peut-être. Élément par élément, je me suis appliqué à reconstituer le puzzle. J'ai interrogé Madame Morin, l'entrepreneur Boquillon. J'ai pénétré dans l'une et l'autre partie de la maison, au second étage, en apparence incommunicable. J'ai découvert la paroi mobile de la penderie, l'entrée de la rue Arthur-Rosier, les vêtements identiques, le double. Oui, je reconnais bien là les qualités d'un Rivière. Quelque chose de... particulier t'a-t-il frappé dans le logis du voisin? Une impression d'abandon, d'absence. On aurait dit un meublé. Convenable, oui, mais de n'importe qui, un meublé. Et j'ai eu brusquement l'idée que l'occupant devait avoir son habitation ailleurs. Et j'ai fait encore une découverte. Laquelle? Un veston. Le seul vêtement qui se trouvait dans la penderie jumelle de l'autre. J'en ai tiré un portefeuille qui contenait des papiers d'identité, un permis de conduire, des cartes de visite, et le tout au nom de Jean Martin, né à Nancy. Ces papiers étaient faux. Je l'ai vérifié en téléphonant à l'état civil de Nancy. Et dans un des tiroirs du cabinet de toilette, j'ai mis la main sur un pot de phare. Donc, c'était celui qui habitait là, au deuxième étage, qui se maquillait, qui s'habillait avec les vêtements pendus à l'extérieur pour continuer à demeurer le belot officiel. Donc le faux, c'était lui, le vrai. Puisqu'il n'y avait pas la moindre trace d'un maquillage sur la figure du blessé de l'hôpital Saint-Louis. Ah, monsieur, comment comprendre que c'était le vrai belot qui habitait ces deux pièces du second étage et que celui qui passait publiquement pour le propriétaire de l'immeuble, qui rendait visite à Madame de Guise, qui allait l'épouser, c'était le faux. Est-il possible que vous n'ayez rien su? Que mon parrain ne vous ait jamais rien dit? Oh. Demande-moi plutôt pourquoi je me suis tu jusqu'à cette minute. C'est parce que je lui avais fait un serment. Ce serment, je l'ai respecté malgré le drame, parce que je le croyais encore vivant, mais puisqu'il est mort... Écoute-moi, mon garçon. J'ai besoin de parler, moi aussi, parce que moi aussi, je viens de passer 24 heures abominables. Jacqueline! Monsieur le directeur? Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Ne passez aucune communication et bien entendu, je ne recevrai personne jusqu'à nouvel ordre. Bien, monsieur le directeur. Quitte cette chaise. Mets-toi là dans ce fauteuil en face de moi. Voilà. Il y a 2 ans et demi, lorsque j'ai eu l'honneur d'être nommé à la direction générale de la police judiciaire, le préfet m'a chargé de lui désigner moi-même mon successeur à la tête de la brigade criminelle, en souhaitant que ce fût Frédéric Belot. Je ne pouvais rien espérer de mieux. J'avais 6 mois pour le convaincre, mais il se montrait irréductible. Il ne se sentait aucune vocation pour ce qu'il nommait la bureaucratie. Abandonner le service actif, jamais. Et puis, un beau jour, alors que j'allais me résigner à chercher ailleurs, il vient me dire « j'accepte ». Et vous vous êtes demandé ce qui avait pu se produire d'assez considérable pour provoquer un revirement pareil ? Chez un homme comme lui? Et d'assez subi pour entraîner une telle contradiction. Il me raconta qu'il avait été abordé quelques nuits plus tôt, non loin de son domicile, par un homme au trait mal visible dans l'obscurité, qui lui avait dit « Monsieur Belot, je voudrais vous parler ». Bon, frappé par sa voix triste et presque familière, il l'avait emmené dans un café de la place des Fêtes. Un complet misérable, une figure maigre, une barbe de plusieurs jours. L'inconnu lui avait montré sans un mot une carte d'électeur avec un visage d'un autre temps, où il devait manger à sa faim tous les jours. Et ce qui l'avait frappé, c'était la ressemblance qu'il y avait entre cet homme tel qu'il apparaissait sur ce portrait et lui, Belot. Et du coup, ton parrain s'avisa que la voix qu'il entendait formait un écho à la sienne. Ça, bien entendu, l'homme n'avait pu le savoir. Mais pour les traits, comment l'avait-il constaté? Mais simplement par un journal qui avait publié une photographie de ton parrain. La confrontation des deux était troublante et l'homme lui avait dit... Quand j'ai vu ce journal, une idée fixe s'est imposée à moi. Vous rencontrer. Vous comprendriez, vous, que je ne peux pas être un malhonnête, que je suis... le jouet du malheur. Tiens, j'ai toujours pensé, moi aussi, qu'il fallait se fier aux apparences. Il avait mangé lentement ce que Belot lui avait fait servir. Il s'était détendu peu à peu, les yeux pleins de larmes. Puis, il avait raconté son histoire. Il était fils d'employé de la ville de Paris. Il avait fait des études jusqu'au Bachot. Il rêvait de l'école centrale, mais la mort de son père l'avait obligé à entrer comme comptable dans une manufacture de confection. Devenu chef comptable, il s'était lié d'amitié avec son directeur, la femme, les enfants. Une femme charmante et mélancolique d'être trompée par son mari, lequel profitait de la présence de Férou et qu'il faisait venir souvent pour disparaître sous des prétextes divers. Et Férou est devenu l'amant de la dame? Non. Il avait certifié à ton parrain que, tout en éprouvant des sentiments de plus en plus tendres envers elle, il n'y avait jamais cédé. Bon, passons là-dessus. Un matin, À la veille d'une assemblée générale, Férou avait constaté qu'il manquait 400 000 francs dans le coffre de la manufacture, coffre dont il avait la clé sur l'insistance de son excellent ami, le directeur. Affolé, il s'était rendu chez celui-ci pour s'entendre accuser d'être le coupable. Un homme qui apportait volontairement le trouble au foyer d'un supérieur, confiant, était capable de tout. Comment a-t-il pu se défendre ? Et il ne le pouvait pas. La machination avait été trop bien combinée depuis trop longtemps. Il fut jeté à la porte. Il avait consulté un avocat qui avait mis en doute ses propos, l'avait engagé à se tenir tranquille et félicité de s'en être tiré à si bon compte. À partir de ce moment, il était allé de déchéance en déchéance. Ne pouvant présenter aucun certificat, personne ne voulait de lui, sans argent, sans domicile, couchant dans les asiles de nuit, il était sans doute voué au suicide. Lorsque le hasard lui avait mis sous les yeux ce journal. Il ressemblait à ce point à Frédéric Belot, au célèbre inspecteur de la police judiciaire lui avait donné tout à coup l'impression de n'être plus seul au monde. Il ne souhaitait aucune aide matérielle, il ne demandait pas d'autre secours que d'être délivré de lui-même. Il voulait se confier et inspirer confiance. Et quelle fut la première réaction de mon parrain ? Un plan commençait-il à mûrir dans sa tête ? Il lui avait offert une avance pour acheter des vêtements, s'installer dans un petit hôtel voisin et attendre. Simplement, il lui avait recommandé de laisser pousser sa barbe afin qu'on ne fût pas frappé par leur ressemblance si l'on venait à les voir ensemble. Mais ce qui étonne le connaissant, c'est qu'il a accepté, sans la vérifier, une histoire qui aurait pu être cueillie dans la presse du cœur. Mais il l'avait vérifiée. Et tous les renseignements sur le passé de Férou n'étaient qu'une suite d'éloges. Bon, je commençais à m'impatienter, moi. Je me demandais où ton parrain voulait en venir. Ah, Simon, je me demande maintenant avec les plus cruels regrets si je n'ai pas contribué par ma faiblesse au drame d'hier. Il ne m'avait pas dit seulement en commençant « j'accepte », il avait ajouté « à une condition, et tu devines laquelle ». Et il m'a fait prêter serment avant de l'exposer. Cette condition insensée, inimaginable. Je le prends avec moi, je le modèle, je le façonne à mon image. Il devient une parfaite imitation de Frédéric Belot. Aux heures où mon bureau n'aura besoin que d'une présence, ben il sera là. Ne sois pas blessé, Picard, je ne minimise pas ton travail, mais les heures que tu consacres à l'étude des dossiers, par exemple, je les prendrai, moi, sur mes nuits, à la maison. Et je le sais assez intelligent pour recevoir, le cas échéant, au minimum pour écouter un secrétaire aussi remarquable que Truffaut ou renvoyer des réponses de quelques heures. Au rapport, le matin, et chaque fois qu'il me faudra être là, naturellement, j'y serai. Mais le reste du temps, je travaillerai, comprends-tu ? Le rêve de ma vie, travailler sans qu'on sache que je suis Belot. J'ai déjà le nom, Jean Martin. Le comble du discret, le sommet de l'insignifiant. Les grands récidivistes me connaissent maintenant, ils me donnent un mal de chien. Tu imagines comme ils vont pavoiser, et la bonne besogne que je vais pouvoir faire. Je lui ai dit que les gens de la maison n'étaient pas tous des imbéciles, qu'ils devineraient le faux Belot à 50 pas. Il m'a répondu... On ne devine rien sans soupçon. Qui pourrait soupçonner une combinaison pareille à cette place ? Toi seul, tu sauras. Toi seul, je ne tromperai jamais. Nous ne tromperons jamais. Nous nous montrerons à toi ensemble. Rue de Crimée, quand tu m'auras transmis tes pouvoirs. Mais si tu n'acquiesces pas d'ici là de ton plein gré, tu seras ma première dupe. Et nous verrons si tu es capable de distinguer le vrai du faux. Et il ajouta cette menace bien plus grave, puisqu'elle aurait atteint la brigade entière, alors qu'il voulait tout cela pour la servir encore mieux, et je démissionnerai. Impossible aujourd'hui, dans ce jour funeste, de résumer en quelques phrases les discussions terribles qui ont suivi dès le lendemain, à l'aube et 50 fois ensuite. À tous mes arguments, il avait une réponse. Partager avec cet homme les secrets des dossiers, moins qu'avec un Truffaut. Imposer à un être humain un pareil esclavage. Férou est prêt à tout dans son bonheur de ressusciter. D'ailleurs, fais-moi confiance. Je n'exigerai jamais de lui plus qu'il n'en pourra supporter. En dehors de nos obligations mutuelles, qui seront souvent imprévisibles, il est vrai. Il ira où il voudra. Restaurant, spectacle, réception. Il affirmera ainsi ma retraite. Vous l'avez fait confiance en cela, comme en tout. Vous ne pouviez pas agir autrement. Il a demandé un congé de 3 mois, obtenu sans peine. Il n'avait pas pris de vacances depuis des années. Et il a emmené Férou dans un coin perdu des Causses. Il est revenu, ils sont revenus. Je les ai vus ensemble rue de Crimée, comme il me l'avait promis pour la première fois et la dernière jusqu'à hier soir. Férou eut une attitude timide, respectueuse, mais nullement servile. J'admirais son maquillage, car c'est bien lui que je crus maquiller jusqu'à tout à l'heure. Quand il se retira, ton parrain me dit « Je le connais maintenant, il est meilleur que moi. » Et il me fournit le moyen de les distinguer toujours l'un de l'autre ici. Les yeux de Férou étaient un peu plus sombres que les siens. Et je trouvais à cela un grand apaisement. Férou devint rapidement pour moi, dans ses limites, un vrai collaborateur. Je finissais par oublier la monstruosité de l'affaire, d'autant plus que Jean Martin, dont j'étais seul à connaître également l'existence, travaillait comme un dieu. Mais il y a un point capital que vous n'avez pas abordé, monsieur. Comment des relations de mon parrain avec Madame de Guise... Mais il n'en a jamais eu aucune. Ni d'aucune sorte. Et voilà la preuve de l'extraordinaire attachement qu'aspirait Pelot à son double. Il y a 6 mois, au cours d'une soirée où ton parrain était convié, Férou avait fait la connaissance d'une femme ravissante. Il m'en parla lui-même le lendemain avec une certaine émotion, tout en déclarant qu'il ne la reverrait plus, que son rôle ne lui permettait pas de céder aux atteintes du cœur. Et Pelot fut d'un autre avis. Connaissant sa nature sensible, il estima qu'il n'avait pas le droit de lui défendre une aventure. Là encore, j'aurais dû deviner que Férou portait naturellement le visage de Belot, puisque ce fut en tant que Belot qu'il reçut la permission d'aimer et d'être aimé. Et c'est sur l'initiative de Belot que la jeune femme vint le voir ici, dans son cabinet, plus d'une fois. Mais alors, j'ai été dupe, moi aussi. C'est Férou qui m'a présenté à elle, qui m'a confié son intention de l'épouser. Il ne se dissimulait pas que c'était impossible. Madame de Guise pouvait être sa maîtresse et rien de plus. A-t-il souffert tout à coup d'être pris pour un autre? Est-ce cela la source du drame? Ne supportait-il plus son état de sosie, d'être appelé par sa maîtresse d'un nom qui n'était pas le sien? Une autre hypothèse vient à l'esprit. Parfaitement satisfait de passer pour un personnage si important, a-t-il décidé de devenir le seul Belot? Ce qui lui aurait permis d'épouser Madame de Guise en songeant « Si je le tue, on découvrira qu'il était maquillé, je pourrais prétendre que c'était lui, Férou. » Mais vous ne l'avez pas entendu, ce cri qu'il m'a jeté. « Simon, tu es fou !» Cette plainte qui est devenue insoutenable, un chien après la mort de son maître. Et cette façon qu'il avait eue avant de dire « Simon, en me reconnaissant. » Ah non. Et ce matin, nous pensions que c'était Belot. Je voulais absolument croire que c'était Belot en dépit de toute vraisemblance. Vous saviez? Mais ces mots « ne fera pas ça », « mon ami », « mon sauveur », faut-il envisager une autre hypothèse? Ton parrain est pris de Madame de Guise après l'avoir aperçu plusieurs fois, peut-être observé par précaution, sachant l'empire qu'elle pouvait exercer sur Férou. Leur ressemblance d'aspect et de caractère lui aurait inspiré la même passion. Qui a tiré le premier? Hein? Qui? Ah, tu vas rentrer chez toi, mon garçon. T'as une mine à faire peur, plus que jamais. Nous aurons besoin de toutes nos forces. Allô? Oui, Simon. Oui, je sais, il est 3 heures. Ah non, non, non, non, monsieur le directeur. Je vous écoute. Voilà, on m'a téléphoné de Saint-Louis que Ferrou agonise. File là-bas, je t'y rejoins. Oui, monsieur. Je suis un parent de... Entrez, monsieur. C'est moi qui veille monsieur Belot. Je suis l'interne de nuit. Fou. Il a une résistance extraordinaire. 3 syncopes en 2 heures. Le pouls à 140. Et voilà que depuis 10 minutes, il se plaint de nouveau et il parle... La piqûre va être prête, monsieur. Merci. Tel qu'il est, il peut durer jusqu'au matin. Avez-vous retenu les paroles qu'il a prononcées avant mon arrivée? Il paraissait supplier quelqu'un. Il pleurait en disant « Ne le tuez pas, ne le tuez pas. » « Ne le tuez pas ou ne me tuez pas ?»« Ne le tuez pas. » C'était très net. Ils n'étaient donc pas seuls tous les deux dans la pièce. Comment ? Non, rien. Docteur. Monsieur, c'est fini. Ouvrez, mademoiselle. Vous tenez l'entrée, monsieur ? Monsieur Belot vient de mourir. Je viens, monsieur le directeur. Je dois vous parler d'urgence. Frédéric Belot est mort pour la seconde fois. Assassiné, comme la première. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Il devait revoir dans le délire la fin de son cauchemar. Et ce qu'il a dit alors, et il l'a répété, c'était une prière à quelqu'un. Ne le tuez pas. Ne le tuez pas. Ils étaient 3. Pouvez-vous ordonner immédiatement l'autopsie ? Il nous faut les 2 balles qui n'avaient pu être extraites. Même si elles viennent d'une 3e arme, ça n'empêchera pas que Belot, lui, a été tué par une balle de Ferrou. Bon, téléphone à Dampierre, et puis demande ici qu'on transporte tout de suite le corps à l'Institut médico-légal. Réveille aussi Cavaglioli. Il nous y retrouvera. Bien, monsieur. Docteur, bonsoir. Excusez-nous de vous avoir... Mais non, voyons, monsieur le directeur, mais non. Mes condoléances, Rivière. Merci. Bonsoir, Carat. Voilà les balles. Elles sont à vous. Ben, je crois qu'il y a une bonne lumière à côté, j'y vais. Alors, Cavaglioli. Surprise. Belot n'a pas été blessé par les balles de son adversaire, mais par les siennes propres. Oh. Oui, à l'aide de son propre pistolet. Il se serait suicidé après avoir tiré sur l'autre. Qu'en pensez-vous, docteur ? Mais non, non, non. Non, cher ami, je certifie qu'il n'a pas pu se faire lui-même ce genre de blessure. Convoquez tous les experts du monde, si vous ne me croyez pas, et ils seront de mon avis. Je suis formel. Alors cette fois, ma théorie est bonne. Les 2 Belot n'étaient pas seuls. Il y avait là un tiers qui a tué l'un, blessé l'autre à mort, et qui s'est enfui en laissant près de celui qui n'était pas armé son revolver. Mais pardon, Bonnardel a démontré que c'était bien l'arme du vrai Belot qui avait tué. Oui, je sais, avec les coups de lime en croix sur le chargeur. Bah, cela prouve que ce Browning avait été dérobé avant de servir, voilà tout. Comme la clé. Alors trouvons l'homme qui a fait porter à Madame de Guise la lettre à En Tête de chez nous. C'est lui qui est passé le dernier rue de Crimée, qui s'est introduit chez mon parrain. Et qui aurait commis le double assassinat. Oui. Il faut croire que les 2 Belot le connaissaient. Sa lettre a été manifestement envoyée pour empêcher Madame de Guise de se rendre au chevet de celui qu'elle aimait et d'apprendre ainsi l'identité du criminel. Qu'est-ce que vous racontez là, Rivière ? Voilà que vous parlez de deux belots avec le plus parfait naturel. Alors, l'inconnu d'hier ? Oui, nous vous expliquerons cela plus tard, docteur. Simon, tout ça est admissible. Reste à savoir pourquoi l'autre pistolet était vide. Il y avait une boîte de cartouches, à moitié pleine, ouverte sur la commode du salon. Il est évident que Belot allait charger son arme lorsqu'il a été surpris. Alors qu'a-t-il fait ? Il s'est retourné brusquement et il a reçu une balle en plein cœur. Quant à l'arme du crime, après cette première balle, elle a envoyé les deux suivantes sur l'autre Belot. Et les dernières, c'est elles qui ont dû former les éraflures du plafond. Mais les douilles sont restées sur le tapis. Rentrez, vous reposez. Cava et toi, vous irez ensuite rue de Crimée. Ah, se reposer, une nuit pareille. Bon, veux-tu que nous y allions tout de suite, Cava ? Ça va de soi. Ah là, ces jeunes gens. Être traité de jeune homme à 43 ans, ça fait plaisir. Merci, monsieur le directeur. Eh bien, mon petit gars, l'examen est tout à fait concluant. Les six douilles ont bien été éjectées par le même Browning, celui au coup de lime. Celui qui a tiré tour à tour sur Belot et sur son double. L'assassin a tourné sur lui-même pour blesser Ferrou, qui sortait de sa chambre, et tuer Belot, qui se trouvait dans le salon. Autre chose que j'aurais dû remarquer dès la découverte, dès avant-hier soir, quand je suis entré ici avec Bonnardel, il faisait nuit dans tout l'appartement, alors que ni l'un ni l'autre des Belot n'étaient plus en mesure d'éteindre la lumière. Juste. Plus besoin de moi ? Bon, je vais dormir 2 heures. On a beau dire, 43 ans. Bon, je descends avec toi, puisque les Morin ont été obligés de se réveiller. Je vais les voir. Je peux entrer ? Bien sûr, monsieur Simon. Avec une émotion pareille, après toutes les autres. Ce pauvre monsieur Belot. Je me doutais bien qu'il s'en sortirait pas. Tenez, vous allez prendre le café avec nous, ça vous réchauffera. Oui. Oh, merci, oui. Il fait bigrement froid cette nuit. Hein. Tenez. Merci. Dites-moi, madame Morin. Oui ? Qui était l'inconnu que vous avez vu monter avant-hier ? Et qui est redescendu derrière Madame de Guise. Mais monsieur Simon, puisque c'était un inconnu. Et vous avez tout à fait raison. Et je voulais vous demander de me le décrire. Vous m'avez déclaré hier que vous l'aviez nettement vu lorsqu'il est ressorti. Un monsieur bien, mais l'air pas drôle. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien ajouter ? Il était grand, fort, tenez, comme voilà Morin. Tout en noir, avec un chapeau. Le genre professeur. Barbe, moustache ? Non, dame. Et qu'entendez-vous par l'air pas drôle ? Eh bien, des gros sourcils, à faire peur. Et puis la tête droite. Il n'a pas tourné quand il est passé devant la loge. Et était-il différent à l'aller et au retour ? Je ne peux pas dire que je l'ai vu à l'aller. Tout ce que je peux vous certifier, c'est qu'il avait l'air pressé dans les deux sens. C'était qu'il serait mêlé à... Qui sait ? J'irai voir Madame de Guise vers les 11 heures. Elle a dû le rencontrer dans l'escalier, et Monsieur Belot lui a peut-être dit quelque chose sur lui. Mais sera-t-elle en état de me recevoir ? Monsieur, vous êtes parti hier avec le professeur Passerio. Entrez donc. Entrez. Par ici. Comment va Madame de Guise? Un peu mieux. Elle a passé une nuit moins effrayante. Mais si vous saviez comme elle est malheureuse. Monsieur Belot est mort. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est trop terrible, mais ma pauvre dame ne s'en remettra pas. Elle l'aimait tellement. Il devait se marier bientôt. Elle qui avait déjà eu tant d'épreuves. Et c'est ça que vous voulez lui annoncer? Eh bien non, je ne vous laisserai pas la voir. Plus tard, peut-être, quand elle sera remise, mais pas maintenant. Mais ce n'est pas de cela que j'ai besoin de lui parler. Nous sommes sur la piste de l'assassin. Et nous pensons qu'elle doit le connaître. Je viens lui demander un renseignement, rien qu'un renseignement, comprenez-vous? Oh, si j'ai peur l'arrêter, le misérable, alors bien sûr qu'il faut que vous la voyiez. Attendez un instant. Bonjour, inspecteur. Vous me reconnaissez, je suis le docteur Deluc. Vous souhaitez parler à Madame de Guise, je regrette. Son état est toujours trop précaire, il faut éviter tout rappel. D'autant plus que Monsieur Belot est mort, paraît-il. Cette nuit, c'est une grande perte. Je voudrais obtenir de votre malade quelques renseignements qui confirmeraient peut-être nos soupçons. Vous suivez une piste? Je n'ai malheureusement pas le droit de me montrer plus précis, mais nous pensons savoir que Frédéric Belot connaissait son futur assassin et qu'il s'est entretenu à son sujet avec Madame de Guise. Ah non, dans l'état où elle se trouve, ce serait une folie. Je me mets à votre disposition. Comme Madame de Guise n'a aucun secret pour moi... Ah, dans ce cas, si vous êtes en mesure de répondre à sa place, je n'y verrai que des avantages. Est-il indiscret de vous demander si vous la soignez depuis longtemps? Assez, oui. Vous avez donc connu Frédéric Belot? J'ai dîné avec lui 2 ou 3 fois. Et vous avez eu l'occasion d'aller chez lui? Jamais. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a quelques semaines. A-t-il fait allusion alors à un danger qui l'aurait menacé? Il nous a raconté que des correspondants toujours anonymes lui écrivaient souvent pour lui promettre de lui trouer la peau. Tiens, bien qu'il ne fût plus actif comme on l'entend chez nous et chez eux. Vous savez, je ne peux que répéter ce que j'ai entendu. Mais l'une de ces lettres l'avait-elle particulièrement frappé? Non, j'ai pas l'impression. Y a-t-il abordé d'autres sujets, touchant son métier ou son poste? Non, je n'en ai pas gardé le souvenir. D'ailleurs, Madame de Guise m'a confié qu'il n'en parlait presque jamais. Si je ne craignais pas de vous déranger, docteur, et de vous enlever à votre malade, je vous prierai de m'accompagner chez moi. Puisque vous avez la bonté de m'offrir votre aide, j'aimerais vous soumettre certains papiers trouvés chez Frédéric Belot et sur lesquels vous pourriez peut-être m'éclairer. Bien sûr, si j'avais pu prévoir, je les aurais apportés. Je peux très bien, d'ailleurs... Vous habitez loin, monsieur? Eh oui, de l'autre côté de Paris. Mais en voiture, le périphérique nous y conduirait vite, et je ne vous garderai pas longtemps. D'accord. Le temps d'écrire un mot... Me permettez-vous de téléphoner en attendant? Un rendez-vous à remettre. Oui, un appareil dans le vestibule. Merci. Odéon 2220, voulez-vous me passer, mademoiselle? Et de la part de Monsieur Rivière. Allô, c'est toi, chérie? Impossible de venir maintenant, je dois rentrer tout de suite travailler chez moi. Et donc, veux-tu passer me prendre? Je t'embrasse. Célestine. Oui, docteur. Voulez-vous faire porter ce mot tout de suite par la cuisinière, en taxi? Bien, docteur, tout de suite. J'espère que madame n'aura besoin de rien en mon absence. Elle dort. C'est le premier repos qu'elle prend depuis la nouvelle du crime. Je suis à votre disposition, inspecteur. Nous prendrons ma voiture. Alors allons-y. Où habitez-vous? Rue Arthur Rosier. Je ne connais pas, vous me dirigerez. Voici ma rue. Vous allez pouvoir vous garer presque en face de chez moi. Le 43 bis. Non, je n'entre pas ici. Je préfère passer en dessous. En dessous? Oui, par cet escalier. C'est quelques marches. Vous n'aviez pas remarqué que la rue Arthur-Rosier, juste là où nous sommes, forme un pont sur... passez donc, docteur. Sur? Sur la rue de Crimée. Nous sommes chez Frédéric Belot. Je croyais que vous n'étiez jamais venu ici. Non, mais je le sais par Madame de Guise. Ah, évidemment, suis-je distrait. J'avais négligé de vous apprendre que j'habitais chez lui. Si vous voulez bien tourner sur la droite, docteur. Entrez. Une seconde. Madame Morin, reconnaissez-vous, monsieur? Oui. Oui, monsieur Simon. C'est bien lui que vous avez vu passer le jour du crime? Oui, monsieur Simon, c'est lui. Vous m'avez donc menti, docteur. Je suis obligé de vous amener à la préfecture pour entendre vos explications. Ah, si vous m'accusez! Et si je refusais de vous suivre? Regardez devant vous, derrière vous. Mes collègues sauraient vous y contraindre. Je les ai prévenus par votre téléphone que je me méfiais de vos réactions. Je vous suis. Oui, entrez. Et voilà, monsieur le directeur. Merci. Oh là là, oh. Bonjour, difficile? Oh, pas du tout. Quelque chose à dire? Non. Bon, merci. Rivière, Gourmelon, je vous garde. Truffelot, vous notez. Bien, monsieur le directeur. Docteur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, messieurs, j'ai désiré vous entendre moi-même, docteur Deluc, en ma qualité de directeur de la police judiciaire. Monsieur Belot ayant été un de mes plus précieux collaborateurs... Je vous demande expressément de ne rien nous dissimuler de la vérité. L'inspecteur Simon Rivière, qui se trouve à votre côté, m'a exposé les motifs qui justifiaient de vous amener devant nous, et je l'ai approuvé. Avez-vous d'abord une déclaration à nous faire? Une protestation contre le procédé indigne qui a été employé à mon égard. C'est tout. Bien, votre nom? Deluc, Pierre Honoré. Votre profession? Docteur en médecine. Spécialiste? Non. Votre âge? 42 ans. Votre domicile? 19 Villa de la Réunion. Chez Madame de Guise? Non. Elle habite au 21. Vous êtes un parent de cette dame? Son demi-frère. Tiens. Comment cela? Par notre père. Je suis d'un premier lit. Madame de Guise est donc née Deluc? Oui. Et elle a gardé ce nom jusqu'à son mariage avec Louis-Bertrand de Guise, dont elle est veuve depuis 4 ans. Vous-même, êtes-vous ou avez-vous été marié? Non. Oui. Mais enfin, vous savez bien qu'on ne doit pas me déranger à un moment comme celui-ci, voyons. Excusez-moi. Reprenons. Vous vivez seul? Oui. Vous allez prendre vos repas chez madame votre sœur, je suppose. Vos deux existences doivent être, pour ainsi dire, communes, du fait que vous habitez porte à porte. J'ai un caractère difficile et ma sœur est une femme sensible à l'excès. J'ai toujours évité de lui offrir trop souvent, ce qui aurait pu lui donner des émotions bien superflues. Vous êtes parfois brutal? Admettons. Vous n'êtes pas sans l'avoir, néanmoins. Nos relations sont excellentes. Chaque fois qu'elle a besoin de moi, elle sait bien qu'il lui suffit de me faire appeler. C'est pour ça que je suis venu habiter la villa de la Réunion après la mort de son mari. Elle n'est plus que moi au monde, comme je n'ai jamais eu qu'elle. Elle n'avait plus que vous jusqu'au jour où elle a connu Frédéric Belot. Oui. Docteur Deluc, vous êtes la dernière personne qui est pénétrée dans l'appartement de M. Belot avant que celui-ci n'ait été assassiné. Vous avez nié votre visite. C'est plus qu'il n'en faut pour vous faire inculper aujourd'hui. Reconnaissez-vous votre crime? Oui. Et vous serez donc accusé d'homicide volontaire sur la personne de M. Frédéric Belot, ainsi que sur celle de quoi? Sur celle d'un inconnu qui avait revêtu son apparence. Qu'est-ce que vous dites? Mais enfin, c'est de la folie, ça, c'est de la folie! Calmez-vous, je vous casse la figure! Non. Prétendez-vous avoir tué l'un et non l'autre? Mais quel autre? Oh mon Dieu. Je comprends tout. Oui, je me reconnais coupable de tout. Oui, allô? Hein? Madame de Guise sait qu'on vient d'amener ici le docteur Deluc et demande à s'entretenir avec moi immédiatement. Ah non, ne la laissez pas entrer. Non, ne la laissez pas entrer, monsieur, je vous en conjure. Elle est folle, entendez-vous, elle est folle. J'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure, mais elle est folle. Faites-la entrer. C'est un lâche. Madame. Venez, approchez, madame. Il vous a dit que c'est lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Non, écoute. Mais... c'est moi. Non, tu es folle, écoute. Avec ton besoin de t'accuser, d'inventer n'importe quoi, tu devrais t'enfermer alors qu'il aimait... Et toi, tu inventerais n'importe quoi pour me sauver. Elle va tomber. Asseyez-vous, madame. Assieds-toi, ma petite fille. Là, ma petite fille. Pierre, comprends-nous que je dois parler. Que je le dois pour Fred. Et... je ne veux pas être sauvé. Je veux qu'on s'en... Je t'en supplie. Monsieur, je vous prie de vous retirer dans la pièce voisine, voulez-vous? Nous vous appellerons quand nous aurons besoin de vous. Votre présence pour le moment... Mais enfin, vous n'allez pas m'obliger à laisser ma soeur dans cet état. Elle a besoin d'un médecin qui la calme, qui la retienne de dire des folies. Oui, elle a surtout besoin d'un confesseur. Mais enfin, c'est un... non, la relève. Occupez-vous de monsieur, voulez-vous? Oh, ça va. Préférez-vous me parler seul à seul, madame? Oui, il faut seulement que vous me donniez du courage. Je sais que j'ai tué Fred, le seul homme que j'ai jamais aimé, le meilleur, le plus doux, le plus cher. Je ne sais rien d'autre. Mais nous avons tout notre temps. Parlez comme vous pouvez. Il faut d'abord vous apprendre pourquoi je me suis rendue rue de Crimée. C'est cela le plus difficile. Parce que c'est laid, stupide. Et parce que vous allez tout de suite imaginer. J'étais jalouse de Fred. Jalouse à en mourir. Il y a 6 mois que je l'avais rencontré. Que je l'aimais. Moi qui n'avais encore jamais aimé personne. J'ai été mariée contre mon gré. La mort de mon mari ne m'a inspiré... comment dire... qu'un chagrin de camarade. C'est quand j'ai connu Fred que ma vie a commencé. J'ai su que j'allais être heureuse, que j'avais trouvé ma raison d'exister. Je l'aimais, je l'adorais. Il me donnait tant, il me donnait tout. Il n'y avait pas au monde de plus grand bonheur que le mien. Et puis, il y a 4 mois de cela au moins, mon chagrin a commencé. Fred se montrait toujours aussi amoureux, aussi attentif. Mais j'étais frappée par la façon dont son travail l'absorbait. Pas ici. Ici, je trouvais cela tout naturel. Mais ensuite... je ne pouvais jamais savoir si nous nous verrions le lendemain. Il prétextait des surprises, des événements imprévisibles. Et lorsque j'insistais, il devenait de plus en plus évasif, tout en s'irritant, comme si je l'avais pris en faute. D'abord, j'ai cru ce qu'il disait. J'étais toute prête à tout croire. Mais peu à peu, j'ai pensé que, pour agir ainsi, il ne devait pas s'appartenir, qu'il me cachait une part de sa vie, qu'il dépendait d'un autre être, d'une autre femme. Ah. Mon Dieu, que j'ai souffert. Jusqu'alors, j'avais ignoré la jalousie parce que je ne savais pas ce que c'était que l'amour. Je ne sortais plus, je ne voyais plus personne. Toute la journée, j'interprétais toutes ces paroles de la veille. J'y cherchais un sens caché, un éclaircissement. Et les soirs où, tout à coup, à la dernière seconde, un coup de téléphone détruisait mon espoir. Il y aurait eu un moyen si simple d'échapper à tout cela. Partager sa vie, devenir sa femme. Vous lui en avez parlé ? Lui m'en avait parlé. Une fois. Mais comme d'un rêve. Ma jalousie est devenue intolérable. Je souffrais d'autant plus que je lui souriais toujours. Je le voulais heureux à tout prix. Et puis ? J'en suis tombée malade. J'ai craqué l'autre soir. Sa réaction a été d'une violence inouïe. Il m'a traitée de folle, lui aussi. Je l'ai supplié de m'expliquer. Il m'a consolée comme une enfant. Et cela ne l'a pas empêché de partir. Il était angoissé, je l'ai bien vu, mais il est parti. Quelques minutes avant son départ, j'ai commis le geste qui devait nous conduire à la catastrophe. Quel geste ? Il était allé dans la salle de bain me chercher un verre d'eau. J'ai fouillé dans une des poches de son gilet où je savais qu'il plaçait la clé de son appartement. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'il ne puisse pas rentrer chez lui, je vous le jure. Pour qu'il me revienne cette nuit même. Il n'est pas revenu ? Non. Je pense maintenant qu'il a demandé à sa concierge. Mais pendant toute la nuit, j'ai vu une autre femme qui lui ouvrait la porte. Et je me suis sentie si malheureuse que j'ai décidé de me tuer. Oh, c'était facile. Je n'avais qu'à prendre mon revolver dans le tiroir de ma table de chevet. Un revolver ? Fred m'en avait donné un dont il ne se servait plus. Je n'étais pas toujours rassurée chez moi, surtout l'hiver. La villa de la Réunion est déserte et je vis seule dans ma maison avec ma vieille gouvernante. J'ai voulu quand même l'entendre encore une fois. Il m'a téléphoné le lendemain matin, comme tous les matins, pour savoir comment j'avais passé la nuit, me dire des paroles merveilleuses. Aucune ne pouvait me consoler, au contraire, puisqu'il m'annonça que nous ne nous verrions pas ce jour-là. Il avait décidé de travailler chez lui l'après-midi et ne voulait recevoir personne. Il m'a demandé s'il n'avait pas oublié sa clé chez moi. Et sans attendre ma réponse, il a ajouté « Je l'ai perdue. Je vais faire changer ma serrure. » Alors je n'ai plus pensé qu'à une seule chose. Me rendre là-bas avant que la serrure soit remplacée et me tuer devant lui. J'ai agi tout le long de cette journée comme une somnambule. J'ai passé des heures à me faire belle pour mourir. Je suis partie à pied sous la pluie. J'avais mis dans mon sac le revolver et la clé. J'ai marché. À la nuit, je me suis trouvée si épuisée que j'ai arrêté un taxi. Je voulais revenir chez moi. J'ai dit 26 rue de Crimée. Reposez-vous, madame. Oh non, surtout pas. La concierge m'a crié du fond de sa loge « Bonjour, madame !» Je lui ai répondu en pressant le pas. J'ai monté l'escalier. J'ai tiré de mon sac la clé et le revolver. Je me disais « Dans 2 minutes, je serai morte. » J'ai ouvert la porte sans bruit. J'ai vu le manteau et le chapeau de Fred. Je suis entrée dans le cabinet de travail, il était vide. Mais il y avait quelqu'un qui remuait de l'autre côté de la portière dans le salon. Quelqu'un qui attendait d'être reçu. J'ai soulevé doucement la portière. Fred me tournait le dos, penché sur la commode qui se trouve près de la cheminée. Je ne pouvais pas me rendre compte de ce qu'il faisait. Soudain, il s'est redressé. Il a regardé la glace qui réfléchissait la portière. Et moi, ses yeux ont rencontré les miens. Des yeux brillants que je ne lui connaissais pas. J'ai été comme hypnotisée. Mais lui, il s'est retourné d'un seul coup. Il s'est avancé vers moi. Il a crié « Oh, les mains !» Oui, il tenait un revolver et il m'a visé. Alors j'ai compris brusquement que c'était mon revolver à moi qui donnait à croire des choses abominables, que d'un seul coup je venais de perdre son amour. Si vous saviez comme il était devenu autre. J'ai hurlé « Fred !» Cela a fait un grand bruit dans mes oreilles, tandis que je ne pensais plus qu'à me jeter dans ses bras, qu'elle serrait contre moi, qu'à lui demander pardon de tout. Et je l'ai vu par terre. Elle ne bougeait pas, ma main qui serrait le revolver me brûlait. J'ai crié de nouveau « Fred !» sans comprendre. Heureusement, je me sentais mourir. Au même instant, on a couru derrière moi. Je me suis retournée et je l'ai revu debout, vivant, dans le bureau, quand je venais de le voir par terre, dans le salon. Cette hallucination m'a fait agir comme une folle. J'ai tiré sur ce fantôme. Oui, à ce moment, je sais que j'ai tiré devant moi, en l'air, n'importe où. Et puis, je n'ai plus conscience de rien. Il me semble que j'ai marché, que j'ai rencontré mon frère, qu'il m'a pris le revolver des mains. Mais tout cela est impossible. Comment mon frère aurait-il été là? Je me suis retrouvée dans mon lit plus tard, je ne sais quand. J'avais mal, mal. Vous est-il possible de dire ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, mon frère était près de moi. Je lui ai tout raconté. Il m'a répondu que j'avais perdu l'esprit. Il a même appelé un spécialiste qui a recommandé une maison de santé. Cette nuit, pourtant, il a reconnu que c'était vrai. J'avais blessé Fred, mais il allait mieux, il me pardonnait. J'ai pu dormir. Tout à l'heure, quand je me suis réveillée, ma vieille bonne en larmes n'a pu s'empêcher de m'apprendre que Fred était mort et que la police était venue. Elle m'a remis une lettre que mon frère lui avait ordonné de faire porter immédiatement au professeur Passerio, celui qui m'a examinée hier matin. L'avez-vous ? Je me suis habillée aussitôt pour vous la porter. La voici. Cher confrère, pardonnez-moi de vous mêler à une vilaine affaire. C'est moi qui ai tué Frédéric Belot. On vient m'arrêter. Madame de Guise, ma sœur, s'obstine à s'accuser de ce crime. Je vous prie instamment, par charité pour elle, de la faire entrer au plus vite à la clinique dont nous avons parlé. Il faut qu'elle ne soupçonne rien de tout ce qui va se passer et qui provoquerait sans aucun doute l'aggravation de ses troubles. Il faut que de son côté, la police ignore la forme de cette folie. Elle compliquera à plaisir une affaire, hélas, bien simple. Truffaut, oui. Voyez cette écriture. Et voyez celle qui a été écrite sur le papier de M. Belot, prétendument apporté à madame par un chauffeur de taxi. C'est bien la même écriture, monsieur le directeur. Vous êtes d'accord, Rivière? Oh, sans aucun doute. Bien, madame, bien. J'ai besoin maintenant de voir votre frère seul. Bonnardel, voulez-vous faire entrer le docteur Deluc? Madame de Guise va prendre sa place. Constance, mon enfant. Ne m'enlève pas mon courage. Je voudrais tellement être morte avec Fred. Asseyez-vous, docteur. Vous avez tenté de sauver votre sœur, mais malheureusement... Voilà un mot sur lequel je ne comptais pas ici. Oui, j'avais cru que tout serait facile. Mais ce matin, quand l'inspecteur est venu, enfin revenu, j'ai deviné ses soupçons, je m'y attendais. Je savais que la concierge de Frédéric Belot m'avait vu descendre le dernier. J'ai joué mon rôle sans effort. Est-il vrai qu'il y a eu deux hommes tués ? Oui, oui. Celui que votre sœur a pris pour un fantôme n'était pas moins vivant que le premier. Ah, elle vous a raconté. À moi aussi, elle a parlé de ce fantôme. J'ai cru vraiment qu'elle divaguait et j'ai pu, en toute conscience, l'obliger à recevoir un spécialiste, préparer un internement qui eût été plus justifié et moins affreux que la prison. Vous l'avez cru, n'est-ce pas ? Vous avez cru tout ce qu'elle vous a dit ? Oui, oui, oui. Mais c'est à vous maintenant de m'expliquer votre conduite. Pourquoi vous trouviez-vous dans la maison de Belot ? J'avais suivi ma sœur. Ce matin-là, lorsque je suis allé lui dire bonjour, je l'ai vue si agitée que j'ai pressenti un malheur. Moi qui l'avais toujours connue calme, souriante, j'étais obsédé par les changements survenus en elle depuis qu'elle s'était éprise de Belot. Alors je suis rentré chez moi, et au début de l'après-midi, le hasard a voulu que je l'aperçoive à travers ma vitre quand elle est sortie. Elle a jeté vers mes fenêtres un regard craintif, puis elle a hâté le pas. Alors je me suis décidé à la suivre avec ma voiture. Elle a marché longtemps, pris un taxi, gagné la rue de Crimée. Quand elle a pénétré dans la maison de Belot, j'ai commencé par attendre, 2 ou 3 minutes, pas plus. Mais qui sait si autrement, je ne serais pas arrivé à temps pour la retenir. Et comment aurais-je pu me douter qu'elle avait emporté son revolver et qu'un terrible concours de circonstances allait faire de ma petite sœur une criminelle. J'étais dans l'escalier quand, malgré le vacarme d'un autobus qui dévalait la rue, j'ai entendu des coups de feu. Je me suis précipité, ma sœur ressortait, l'arme dans la main, le regard halluciné. Je le lui ai arraché en lui ordonnant de toute ma volonté, comme un sujet endormi, « Quitte immédiatement cette maison, monte dans ma voiture et attends-moi. » C'est alors que vous êtes entré dans l'appartement. Elle avait laissé la porte ouverte. J'ai pensé que je pouvais peut-être apporter quelques secours. Au milieu du cabinet de travail, j'ai vu Belot, la tête et la poitrine transpercées. Était-ce à cause de mon bouleversement, je l'ai cru mort. Je m'en accuse et voudrais qu'on prouve qu'il eût été sauvé si je l'avais secouru. Que je suis donc le vrai responsable de cette mort. Je m'accuse également, n'ayant trouvé sans arme, d'avoir placé près de sa main droite le revolver qui l'avait blessé. Ma sœur avait des gants, moi aussi, aucune empreinte ne risquait de trahir personne. Je m'accuse encore, ayant parcouru du regard les meubles de la pièce avec l'espoir d'y trouver de quoi mieux dissimuler le crime. Je m'accuse d'avoir volé sur le bureau une feuille de papier à lettres. Elle m'a servi une fois rentrée chez moi à écrire ce mot qui devait justifier aux yeux de la police l'effroyable état de ma sœur. Et puis j'ai éteint. Pour un homme bouleversé, il me semble que vous aviez encore les moyens de peser avec soin. Non, monsieur. Mais si cela peut diminuer contre ma sœur les charges... Ensuite. Je l'ai ramenée inconsciente. Je l'ai couchée en rentrant. Voilà. Oui, mais l'autre homme. Je jure que je ne l'ai pas vu. Que je ne me suis pas douté une seconde de son existence jusqu'au moment où vous m'avez accusé. En effet, monsieur le directeur, la portière était retombée devant le corps. Seule la main était visible. Encore fallait-il, pour la découvrir, regarder au ras du sol. Pour que ma sœur ait cru voir un fantôme, avait-elle vraiment perdu la tête ? Ou la seconde victime ressemblait-elle à M. Belot? Il m'est impossible de rien vous expliquer. Mais va-t-elle savoir qu'elle a tué deux hommes? Cela ne dépend pas de moi. C'est épouvantable. Et du moins peut-on concevoir ceci parmi diverses hypothèses. La situation de M. Belot à la police judiciaire, comme je dois le dire, la manière dont le drame s'est produit vont nous obliger sans doute à instruire cette affaire d'une manière toute spéciale. Aucune publicité ne lui sera donnée. Il se peut que, si mes supérieurs le jugent bon, alors... Oh, est-ce possible? En ce qui vous concerne, docteur, malgré vos agissements, votre complicité, je vous laisse libre. Et souvenez-vous seulement qu'au premier appel, vous devez être ici. Et elle? Elle. Allez lui dire au revoir. Ce puits où l'on raconte que la vérité se trouve et d'où elle sortirait pour éblouir ceux qui l'ont découverte. J'avais l'impression d'y être tombé dans une nuit absolue. Là où nous avions cru à un meurtre, puis à un double meurtre, il n'y avait que trois victimes. Toutes trois inspirées par des passions pures, entières, nobles. C'était affreux. C'était absurde. Une femme si belle. France Culture vient de vous présenter La double mort de Frédéric Belot. Version radiophonique en deux journées de Claude Aveline et Michel Manol. Aujourd'hui, seconde journée. Avec le concours de Jean Rochefort, Monsieur Picard, Jean-Noël Sissia, Simon Rivière, Daniel Hivernel, le docteur Deluc et Anne Doat, Madame de Guise. Avec Jean-François Rémy de la Comédie-Française, Cavaglioli, Pierre-Olivier Bonnardel, Alexandre Rignot, Le Planton de la PJ, Gaston Vacchia, Truffelot, Dominique Tout-le-Monde, L'Interne de Nuit, Lise Cornier, L'Infirmière, Bruno Balpe, Le Docteur Dompierre, avec Dominique Davray, Madame Morin, Bernard Valdeneige, Morin, Germaine Delba, Célestine, la Gouvernante, et Guy Tréjean, dans le double rôle de Frédéric Belot et Ferrou. Illustration musicale au piano et au clavecin par Jean Vienner. Bruitage et ambiance, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Daniel Tourcière, Jean-Claude Gauthier, Marie-Vonne Noël et Georges Godbert. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 octobre 1982.